On se retrouve 22h minuit. On est en direct absolu, hein. Aucun décalage, aucune seconde de décalement. On est vraiment là à la seconde près. Soyez les bienvenus, les potos. Là, on se retrouve. Je m'appelle Guillaume le soir. On se fait de l'antenne à l'ancienne, hein, vraiment comme dans les années. On n'était pas encore nés. On se fait de la radio vraiment avec une liberté absolue. On parle de tout ce qu'on veut. Si vous arrivez à un truc dans la journée, vous venez le partager avec nous. Si vous avez une question, il y a forcément un mec qui écoute la radio qui s'est déjà arrivé, qui pourra réagir. Voilà. L'appel est gratuit comme dans une station essence. Vous pouvez nous appeler 0800 plus loin 70 42 48 sur le fixe. Okay. Vous pouvez nous appeler, c'est gratuit. Complètement, c'est un numéro vert. 0800 70 42 48 ou par texto Guillaume et le message au 612. On est jeudi soir, on se fera la musique du bonheur tout à l'heure. Toute mon équipe, je leur ai demandé de ramener un morceau et on verra ceux qui ont ramené des bons titres ou des mauvais titres. On se fera le casting de la télé-réalité. Je me ferai passer pour Brian Lagerfeld qui est un agent de télé-réalité. J'ai mis des petites annonces sur internet et j'ai eu plein de mecs qui sont chauds de faire de la télé-réalité qui m'ont répondu. Je vais essayer de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour être connus. Est-ce qu'ils sont prêts à se couper un doigt? Est-ce qu'ils sont prêts à se couper une couille? Alors on va essayer de les pousser toute la soirée. Ça va bien, le stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume. Ça va, tout le monde. T'as passé une bonne journée, ouais. Ouais, mais j'ai été piqué à un endroit un peu chelou, donc ça fait un peu mal. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, en fait, je dors tout nu en ce moment parce qu'il fait un peu chaud. Ouais. Et j'ai été piqué par un insecte de merde là sur mon pénis, en fait. C'est parler gentiment. C'est vrai. Donc j'ai un bouton, ça me gratte depuis avant, donc ouais. Oh putain. Eh, c'est chiant. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. Donc, attends, et tu t'es retrouvé. J'ai un petit bouton sur la peau, voilà, c'est pas très sexy, mais ouais. Je dors tout nu, voilà. Et t'es sûr que ça a rien à voir avec la transpiration? Parfois ça fait un peu. Bah bouton, non, c'est une piqûre d'insecte, je pense. D'accord, de moustique. Ouais. Putain, l'insecte qui a raté sa vie finit sur le. Ah, mais t'imagines, ça veut dire qu'il y a eu un truc sur moi quand même cette nuit. C'est chaud quand même. Eh, Guillaume et le message de 612, on va dire les textos, les SMS, les messages, si vous voulez faire un coucou à l'antenne, au poteau, là, si vous passez le bac, si vous avez passé la. Je sais le bac aujourd'hui ou les épreuves ou quoi, si vous voulez réagir, allez-y. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, là, c'était, je crois que c'était SVT, ouais, il y avait écologie, agronomie pour ceux qui sont en. Pour ceux qui ont l'option, ceux qui sont en latin aussi, je crois qu'il y avait le LV2 aussi. Ouais, c'est aujourd'hui, ouais. Enfin, LV2 c'était hier, mais le latin est langue de culture de l'Antiquité. Oh putain, voilà, ça sent la poussière, même. Ah, c'est clair. Mais bon, il y en a plein qui avaient ça, ouais, donc je pense que ça s'est bien passé. Hein. Tous les week-ends, ma mère me tabasse devant mon père, j'aimerais réagir. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Tu me laisses ton numéro de téléphone et je t'appelle direct. Hein. Salut l'équipe. C'est parti pour 2 heures d'éclat, je vous kiffe. Bonsoir mon Nico du 51. Salut mec. Vive les éventails en papier qu'on a fait au collège, mort de rire. Ah bah oui, parce que du coup il fait tellement chaud la nuit. Ah bah oui. Franchement, c'est dur de dormir, je trouve là. Franchement, sans clim, sans ventilo. Flo des cadeaux, du mal à dormir. Salut Guillaume, ouais, un peu chaud, ouais. Et en fait, je crois que j'ai le matelas côté hiver. Du coup, en fait, ça me retransmet toute la chaleur. Ah, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le matelas côté hiver? Bah, c'est-à-dire qu'il y a un côté hiver, un côté été, ouais. C'est une blague? Bah, non. Je savais pas, moi. Ah, c'est vrai? Il faut que je le tourne en rentrant alors. Non, mais pas tous les matelas. Il y a des matelas avec et des matelas sans. Quand tu l'achètes, genre. Mais du coup, quand c'est l'hiver, ça garde la chaleur, donc t'es encore plus chaud, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je savais pas. Et du coup, t'es baisé, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. T'as un matelas des deux côtés. Ouais, j'ai un matelas des deux côtés. Et pourquoi tu l'as pas changé de côté? Bah, parce que j'ai la flemme de le retourner. Bah, attends, il fait trop chaud. C'est clair. Là, Sabrina? Ouais, ça va très bien, un peu chaud aussi. Pas de galère pour dormir là? Non, si, mais grave la galère. Mais moi, en fait, ça m'a tellement. Enfin, ça me perturbe tellement la chaleur que je me suis pété la gueule tout à l'heure. C'est pas vrai? Mais si. Mais on l'a pas eu. Mais c'était en bas de chez moi, en fait, en descendant l'escalier. Et en fait, mon pied, il a vrillé. Et du coup, je suis tombée comme une merde. Et il y avait une voisine. Non, mais la honte, quoi. C'est vrai? Ah merde. Mais t'es tombée ou. Non, mais ça va. Bah, je suis tombée sur le côté, quoi. C'est mon pied, il a vrillé. T'as pas abîmé ta robe ou. Non, ça va, tranquille. Ah merde. Non. T'as aucune trace qui prouverait ce que tu me dis? Non, mais c'est vrai, je te jure. Ouais, si, c'est vrai. Tu marches très bien pourtant. Ah si, c'est vrai un petit peu. Non, j'ai vu. Et c'est un petit peu griffonné la jambe. Ouais, ah, voilà, mais rien de méchant. Non, rien de méchant. T'as pas fait la guerre non plus, mais c'est, ça sert à rien de se blesser trop. Hein. Salut Guillaume, bonsoir à toi. Big up à la grosse team au champ de Aubagne. Salut au champ de Aubagne. Dans le 13. Salut à Yannou, Warren et Chou, les groupes des routiers bretons et au hibou de la night et au timbre du Komodo. Salut les gars là. Je vous emmerde les routiers de la night, salut les gars. Encore bon anniversaire à ma maman Magali que j'aime. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ouais. On est le 22 juin. 22 juin, ouais, déjà. Et hier, c'est la fête de la musique. Et ouais. Il y a eu du sport, j'ai un stagiaire aujourd'hui. Il y a la Coupe des Confédérations et il y a l'Allemagne contre le Chili, hein, partout pour l'instant. Ah voilà, bah, pour vous prouver qu'on est en direct absolu. Ouais. Il y a Ryan. Tu m'entends, Ryan? Salut, Ryan. C'est qui, papa? Ryan, c'est moi, toi, t'es qui? Non, Ryan. Non, moi, c'est Guillaume, toi, t'es Ryan. Ok. Voilà. Ça va ou quoi? Ça va, toi? Non, mais enlève le haut-parleur, bordel. Bah oui. Putain, t'es à 12 mètres, là, Ryan. Peut-être qu'il est aux toilettes, hein. Attends, là, non, c'est. Non, que je suis vraiment sur mon téléphone. Voilà, là, c'est là. C'est mort, c'est tout. Non, non, là, t'es en train de te rapprocher. Ryan, me la fait pas à l'envers, parce que moi, je vois en fait les options. C'est je vois comme pas... ça bah, non, mais. Non. À partir du moment où t'enlèveras les haut-parleurs, c'est mieux. Guillaume, tu m'entends? Ouais, bah, de mieux en mieux. Et je suis sûr qu'on peut encore mieux faire. On va y arriver, ouais. Ouais. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Ah, il n'ose plus. Voilà, il enlève le haut-parleur, je l'ai entendu. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Il a remis. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'appuies sur quoi, en fait, Ryan, là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai un gros problème avec mon téléphone. Ah. J'arrive absolument pas à parler sans ce truc. Ah, sans ce truc. C'est quoi le truc? Okay. C'est quoi, oui? Alors bon. C'est quoi ce problème. Que tu dis sans ce truc? C'est les haut-parleurs? Non, sans cette oreillette. Ah ouais, mais en fait, l'oreillette, il n'y a rien de pire pour la radio. Le micro des oreillettes, c'est de la merde. Et vu qu'il y a 1 million de personnes qui écoutent, ils sont tous en train de te dire putain, quel enculé, ce que là on n'entend pas. Il n'y a vraiment pas moyen que tu enlèves ton oreillette alors. Attends. Ouais. On va pas y passer 2 heures. C'est facile à faire. C'est oui ou c'est non. Ça va comme ça. Tu me dis. Ouais, mais moi je veux juste entendre, frérot. Alors, il t'est arrivé un truc avec un prof, c'est ça, une prof? C'est quoi l'histoire? Ouais. Le truc, c'est que je vous entends absolument pas, moi, derrière, quand je suis au téléphone avec vous. Bah, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. T'as pas un fixe? On s'en bat les couilles, au pire, tu chantes, je chante, on fait la fête de la musique. On peut se foutre du Enrico Macias. Voilà, tu vois, tu l'entends. Ouais, si t'entends Enrico, t'entends Guillaume. On peut tout faire. Ah, on peut tout faire ici, hein. Tu veux, on se met Khaled, pardon, et Rihanna. Non, parce qu'elle est tout ça, y a pas de problème, Ryan. Ouais. Du coup, je vais juste y arriver ou je vais pas. Bah sinon, pendant 2 heures, on peut se demander si tu peux enlever ton oreillette. Tu me dis que tu peux pas. Ensuite, ouais. Ça fait que 7 minutes que t'es là. Ouais, j'avoue. Ça fait, j'ai perdu que 7 minutes de ma vie. Je m'en bats 14. Ouais, j'ai dit vraiment. Ah ouais. C'est sûr, hein. On a le temps. Et c'est clair. Hein. On peut demander à Fredo. À Fredo, j'ai un copain moi qui est coincé, qui a une oreillette Bluetooth. Si tu veux, ah. La déposer. Après, tu vas pas arriver à la régler. Et on vit ça en direct. Ah ouais. On vit ce grand moment de radio. C'est l'aventure, franchement. Bien sûr. Eh ben, dans les paramètres. Mais bien sûr, tu vas dans les paramètres. Ouais. Tu mets en français l'oreillette Bluetooth. C'est génial. Et tu vois, tous ces grands moments, vraiment. Un plaisir de vous écouter après avoir attendu 3 heures. Quand vérifier mon chargement. Ah oui, pour le Cindy du camion. Salut Cindy du camion. Ouais, bonne route. Salut. Vous recevez même pas les messages. Ah bah la preuve. Bah oui. Ton émission, elle devrait être prescrite pour combattre la dépression. Je suis mort de rire tous les soirs. Vous êtes super. Bisous Isa. Merci Isa. Merci Isa, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Eh ben, vous savez quoi, comment vous pouvez nous rendre service? Vous parlez de nous autour de vous. Au bahut, en cours, au taf, voilà, j'en sais rien, où vous soyez, vous dites aux autres d'écouter Énergie, d'écouter au moins une fois, puis après il reste s'ils veulent, mais comme ça au moins vous nous aidez à faire découvrir l'émission. Ouais, faites tourner. C'est le plus précieux, je vous le dis vraiment parce que on est de plus en plus dans cette émission et c'est grâce à vous, c'est parce que vous faites passer le mot, les gars, ça fait trop plaisir, ça me donne envie d'écouter du reggae d'ailleurs. Je sais pas toi, Ryan, mais j'ai envie d'être piste. Babylon stood up me, them fight you for years. I know the whole of them are by shears. You should be a celebrity. Alors, et pour de vrai, par contre, on va rentrer en sujet. T'avais une prof, t'as une prof qui est un peu tactile, c'est ça, Ryan? Oui, un peu beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Ryan? Bah, l'année dernière, en troisième, en fait, j'avais une prof de français. Ouais. Un peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'allais en cours, au début, ça allait, en fait. Au début, c'était correct. Mais quand plus l'année avançait, et plus elle faisait des réflexions du style mon préféré, le meilleur et tout, suivez un peu ton exemple parce que je commençais à avoir des bonnes notes et ainsi de suite. Ouais. Et ça commençait à vraiment devenir relou au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois. Il y a eu même un moment à la cantine où elle m'a mis la main sur l'épaule. Ouais. Ça va. Et je peux vous dire que ce moment-là, je l'ai très très très mal vécu. C'est vrai? Bah. Ouais. Parce que quand elle vient et qu'elle te dit mon chéri. Bah il t'aime bien. Devant. Non mais attends mon chéri, moi je le dis aussi. Après c'était prof à l'élève. Bah, non. La main sur l'épaule, ça non, va. Non mais la main sur l'épaule, excuse-moi, c'est pas grave. Hein. C'est amical. Mon chéri, Mon chéri, elle a 65 ans, quoi. Et alors, bah, bah oui. Mais, parce que, mais c'est comme ta mère, elle va te dire mère-fils. Peut-être qu'elle se sent seule, tu vois. Mais non, mais ça n'a rien ah à oui, voir. Bah, oui. Mais c'est comme mère-fils, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toi, elle est âgée, elle s'en fout, je dis ça à mon petit chéri, tu elle vois. Elle a peut-être un petit fils moi, de ça, ton non, âge. Mais je vais te dire un truc, ça me choque pas du tout, quoi. Bah, oui. Ça dépend après. Mais non, mais après, si tu commences à sortir ta bite, elle a bronzé. J'ai commencé à dire là, c'est vrai. Non, mais je vais te dire là, c'est vrai. Bon. Après, t'as deux solutions. Tu veux ton bac. Dans la suite, t'as des détails comme ça, tu peux te poser la question, ouais. C'est suspect. Après, toi, juste une petite main sur l'épaule et mon chéri, franchement, je trouve ça, ça violent. Hein. Non, mais après, encore, encore ça, ça allait, mais vraiment, ça devenait relou, quoi, de l'épaule qui commence à te charger, quand ils te disent, ouais, le petit chouchou, le petit truc, et surtout que moi, je vois en troisième, j'avais déjà de la barbe. Ouais. Donc, quand t'as de la barbe, t'es grand taille un petit peu, et que c'est la prof qui te truc, rapidement, les... Bon, tout le monde croyait que je vais me la taper, quoi. Non, mais si après, non, mais après, il n'y a pas de problème. Mais si elle t'envoie des SMS en disant ça va, tu fais quoi ce soir? Bon, là, tu ouais, poses ouais, des questions. C'est abusé. Ouais, oui. Après, bon. Ça, mon chéri à la cantine, ça mon petit chéri, t'as bien mangé. Moi, ça me choque pas. Hein. Après, franchement, est-ce que t'es tactile, toi? Moi, hyper. On me le reproche d'ailleurs avec les filles, même avec les garçons. Hein. Je suis hyper tactile, hein. Je touche tout le monde, en fait. Ah, c'est vrai? Les cheveux, je prends les gens dans les bras, facile, franchement. Ouais. J'embrasse vite les gens. Les gens que tu connais pas, c'est le problème. Bah, même en soirée. Dans le métro, c'est pas. Non, mais je peux prendre la main à quelqu'un dans le métro, par exemple. Si je lui parle. T'es malade. Ma gueule ou quoi? Ah, je te jure que c'est vrai, demande à tout le monde. Quand je prends le métro avec tout le monde, je parle aux gens, des fois, on serre la main. Dans les métros, il y a des meufs, je danse un peu avec elles pour rigoler. En fait, il les teste, il les touche pour voir s'ils réagissent ou pas. Ah, mais je te jure. Et s'ils réagissent pas, c'est fini. Ah, c'est vrai? Alors là, il est. Ah, ouais, je me suis pas encore pris un coup, tu vois, mais ça se passe bien. Attends, mais tu touches la main, c'est-à-dire? Genre, je touche l'épaule de la meuf, par exemple. Ou genre, je lui fais un baise-main ou n'importe quoi, tu vois. Ah ouais? Bah, franchement, si je sens qu'elle est restée. Et c'est un peu un frotteur, je vais essayer. Ah ouais, bah, je suis un frotteur avec classe, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a, de la nouvelle stagiaire? Moi, non, mais c'est un malade en vrai. T'as déjà pris le. Ah, mais je prends le métro avec lui quasiment tous les jours. Ouais. Et c'est très gênant de prendre c'est le métro très avec dur. Lui. Hein. C'est vrai? Ah oui, je parle aux gens, c'est différent. Non, mais c'est un calvaire. Hein. Sabrina, la nouvelle. Ouais, pareil, je l'ai pris quelques fois et ouais, c'est un grand tarif. C'est vrai, mais pourquoi c'est un calvaire? Mais il parle aux gens et tout. Bah après, c'est mais il parle aux gens, c'est normal. Il est gay le métro. C'est vrai qu'on peut il pas lui il est gay le métro, donc c'est cool, tu vois, mais après les gens ils sont pas tous ouverts comme Julien le stagiaire, donc mais non, mais en fait ils ont peut-être pas envie de se faire tripoter l'épaule. Je tripote pas, ça va, je vais me tenir, tu vois. Il a toujours la même technique, en fait. Quand il y a une place de libre et qu'il y a une dame qui s'assoit, il commence à lui dire: ah bah dis donc, la galanterie pour les hommes, ça a changé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Généralement hyper fort, et si la meuf réagit, c'est terminé. C'est terminé. Il y en a qui se lèvent d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Et du coup, je m'assois. C'est pas vrai? Bah, si, pourquoi est-ce que tu refermes de s'asseoir du coup? Non, mais la galanterie, c'est mixte. Hein. Non, mais toi, t'es très gênant. Mais après, j'installe la discussion. En plus, t'es vraiment premier degré. Bah, non, je m'en fous en vrai. Ouais. C'est pour parler avec la meuf, tu vois. Ouais. Mais il y a peut-être d'autres moyens, non? Ouais, mais c'est rigolo. Et je vois qu'elle rigole, la meuf. Il fait pire, c'est qu'il y a des bancs pour deux personnes dans le métro. Ah, ouais, je l'ai fait. Et lui, il demande aux gens de s'écarter pour s'asseoir entre eux. Ah, c'est vrai? Alors que c'est que deux places, mais lui, il s'assoit entre eux. Et Guy fait chaud en ce moment, on a trois serrés. Ouais, ils le font, vraiment. C'est vrai? Ils sont gentils, les gens. Ah bah oui. On dit à Paris, les gens sont cons, ils parlent pas. Et après, ils leur parlent. Moi, ils me parlent, franchement. Et après, les gens, ils rigolent avec toi, quand même. Franchement, ça va. Hein. Ils disent au revoir et tout, bonne soirée. C'est gênant, parfois, Flo les Gallo. C'est hyper gênant. Non, l'autre fois, on s'est fait embrouiller par un mec. Ouais, mais ça va. Il t'a traité de connard. Ah, c'est vrai. Oui, là, ça commence à être gênant, là, en général. 1 sur 10, franchement. Ouais, bah, c'est beaucoup. Ouais. Un trajet sur 10, t'as une embrouille. Ouais, mais ça va, je prends le risque. Viens me toucher la main ou frotter ma femme, tu verras, je vais stagiaire. Ah, bah oui. Je vais te frotter, moi aussi, je vais te toucher. T'es un ouf, toi, mort de rire, alias Tom le Viking. Salut. Je frotte pas non plus, ça va. Viens bien que les stagiaires soient tactiles avec moi. Salut Pauline. Ah, salut Pauline. Je bosse de nuit en usine, il fait aux alentours de 40 degrés dans l'usine, et pourtant, c'est censé être le meilleur moment pour bosser. Mais là, c'est abusé. Mais bon, au moins, avec vous, dans mes écouteurs, je ne vois pas le temps passer jusqu'à minuit. Bah, et c'est pas dédicacé le message, mais je t'embrasse en tout cas. Guillaume, au début du texto, et vous envoyez un message. Si vous voulez faire une dédicace avec une phrase dedans, vous envoyez ça au 6, 11, 12. On va se faire Julia Michael, c'est ce morceau. On va se l'écouter en entière après, là, Julia Michael, et défonce. On se l'écoute dans 30 secondes, juste pour vous dire, on va parler des gens trop tactiles. Est-ce que vous avez pareil? Est-ce que vous êtes tactile? Est-ce que vous avez un problème avec les gens tactiles? Mais petit sujet léger, puis dans 2 minutes, on parle d'autre chose. Voilà. J'ai envie ce soir de faire une émission légère, vraiment. Ah ouais, une émission, bien. Il fait tellement chaud, j'ai envie de vous saouler. J'ai pas envie de vous saouler chez vous, j'ai envie qu'on soit vraiment léger. On parle de ce qui arrive, comme le vent. Le vent qui nous pousse, on sait pas vers où ce soir. Voilà. Sabrina, t'es au standard. Ouais. Aude, la nouvelle stagiaire, tu es de Sabrina. Ouais. Vous prenez tous ceux qui veulent passer. passer. Ce soir, c'est happy hour. Ouais, allez-y. Ce soir, c'est un appel, vous passez deux fois. Happy hour, c'est ça. Eh, vous appelez une fois, vous passez deux fois. On va se faire l'énigme d'ailleurs, happy hour. Ouais. Vous gagnez pas un cadeau, vous gagnez deux cadeaux. Ah, c'est bien, franchement. On va le faire après, tiens, ouais. Happy hour pour l'énigme aussi. Avec le casque VR, le pack VR, PS4 ouais. Pro, le complet. Casque VR, les caméras, la PS Move et un overboard. Et une tablette Samsung et une GoPro 5. On se fait une énorme énigme ce soir, tiens, une énigme de bâtard. On se la fait juste après. Julia Michael, issue. Défonce, petit son léger, j'ai envie de vous dire, il fait chaud, ce soir on se lâche. Il est 22h15, passez une bonne nuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. Shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. Michael sur Énergie, on se faisait issue, il défonce. Okay. Merci d'être là les gars, il est 22h18, on est ensemble jusqu'à minuit. Guillaume Radio 2.0, j'y tue. C'est Énergie, NRJ. Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur Énergie. Bonne soirée les gars, on est en direct. Je m'appelle Ublio, roi des Cévennes. Je suis le premier roi des Cévennes, on est en 485 après Jésus-Christ. Mais je ne suis pas seul. Aristocrate, mon plus petit fils grec. Aristocrate. Oui. Aristocrate. Oh, oui. Viens avec moi, donne-moi la main. Oui, papa, je suis là. Je vais te présenter au peuple des Cévennes. Ah, j'adore le peuple des Cévennes, j'adore. Tu es grec, pas italien. Je suis grec, d'Athènes. Allez, viens, on marche. Juste, non, va doucement, chérie. Ok. On marche jusque sur le balcon. Il y a plus de 200 000 personnes qui t'attendent. Ah, cool, j'adore le peuple. C'est la première fois que je te présente. Tu as maintenant 11 ans. Ouais, je suis un grand. Tu seras le futur roi des Cévennes. C'est moi le roi des Cévennes. Tiens-moi la main. Je te tiens la main. Tiens-moi la main. Je te tiens la main. Tiens-moi la main. Je te tiens la main. Donne-moi l'autre main. Je te donne l'autre main. Et présente-toi. Qu'est-ce que tu vas dire comme premier mot au peuple des Cévennes? Le peuple des Cévennes, écoutez, parlez, mon fils. qu'est-ce que tu veux leur dire, mon fils ? Bonsoir, le peuple des Cévennes. J'ai faim. Où il est le McDo le plus proche ? Non, il n'y a pas de McDo. On est en Ah oui, mais en même temps, j'ai faim. Le mec, il s'est passé une histoire, quoi. Babylon sodomy, them fight you for years. I know the whole of them are by shears. You should be a celebrity. Vous me touchez la main. Salut Guillaume. Alors on parlait des fois. Est-ce que vous êtes trop tactile aussi là? Bah ça arrive, oui. Les gens trop tactiles. Guillaume, et votre message aussi sur 12. Et vous faites des cadeaux tactiles? Ouais. Non, pas du tout. Par contre, j'avais un pote au lycée qui était hyper tactile. Il était gay et il voulait absolument me faire des trucs dans les toilettes en soirée. Et toute la journée, il arrêtait pas de me toucher, quoi. Et alors, c'est hyper chiant. Ouais, c'est chiant quand c'est un peu offensif comme ça. Bah là, c'était carrément offensif. Quand c'est un peu, quand c'est offensif. Offensif, ouais, c'est ce que j'ai dit. Aude, la nouvelle stagiaire, t'es du genre tactile? Moi, je suis pas tactile au début, mais en fait, c'est avec le temps. Ah d'accord. Ouais. Genre de meuf difficile. Mais non, toujours compliqué à comprendre. Non, vraiment pas. Ouais. Moi, je suis sorti avec une meuf. Et c'était un vrai problème qui n'était pas du tout tactile. Ah, c'est grave, chiant. C'était abusé. Trop froide. C'est-à-dire qu'on faisait l'amour, et juste après l'amour, il fallait plus la toucher. Elle était pas câline, il fallait pas faire de câlins. En couple, c'est pas grave. Sur le canapé, il voulait pas toucher, quoi. Pas de bisous, genre. Et, non, c'est abusé. Et très très jolie et tout, donc c'est très frustrant parce que t'as envie de la. Ah bah ouais, il manque un truc. J'ai envie de la toucher tout le temps. Et en même temps, quelque part, ça donne encore plus envie de la toucher, quoi. Je suis en train de faire écouter ton émission à mon filleul de 17 ans, il connaît pas ta émission, prouve-lui que c'est du direct, s'il te plaît. Bien sûr, Fredo le routier, là. Salut, mec, bon routier. On est en direct, on est en direct. Il est 22h21, mon con. Ok. Julien Stagiaire, c'est un fou. J'aime bien que tu sois tactile avec moi. Julien, bisou de Gilles Valenciennes. Voilà. Ah, salut Julie. Je viole le bouton replay sur le combat de boue avec Aude. Quel beau petit cul. Non, arrêtez. Ça y est, ça recommence. Je suis attiré par un mec, mais j'ai appris qu'il était en couple. Le pire, c'est que ça a l'air d'être réciproque. Ah, on va t'appeler. Voilà. Est-ce que t'es tactile, Sabrina? Ouais, moi je suis très tactile comme Julien Stagiaire, pareil. Je touche beaucoup et tout ça. Après, t'es une tripoteuse. Autres... T'es une tripoteuse. Ouais, ouais. En fait, quand j'aime bien la personne, je suis très tactile. Après, si j'aime pas trop la personne, bon, je vais pas faire beaucoup de gestes et tout ça. Ouais. Mais après, j'avais une pote au collège, c'était insupportable parce qu'elle me touchait tout le temps les cheveux. Et je détestais ça. Et ah, elle me faisait à longueur de journée. Et ça m'énervait, j'osais pas lui dire. Par contre, les cheveux, je touche jamais les cheveux des gens. Avant, j'étais pas tactile, mais je suis devenu comme toi maintenant. J'aime bien, j'ai touché les cheveux, discuté. Ah ouais. Les cheveux, c'est vrai, j'ai dit, tu touches beaucoup. Bah franchement, j'adore toucher. C'est vrai. C'est pas méchant de dire ça ou pervers. C'est vrai. J'ai dit, il doit des gens qui connaissent pas. Ils font un doigt, les meufs. Dès qu'elle finit en jupe, ils font un doigt. Oh non. Ah, franchement, c'est un délire, si tu veux, mais non. Il lui fait écouter Babylon Sodomie. C'est pour rire, évidemment. Oui, c'est pour rire, c'est une blague. Ouais, hein. Ouais. Ne croyez pas. Il est plein feu sur le respect, jeune stagiaire. Franchement, alors, j'ai une bonne base de respect. 22h22, ouais. On va prendre toutes vos réactions. On va parler de quoi aussi, Sabrina? Il y a eu plein d'appels là. Ouais, bah là, j'ai un mec, en fait, il est un peu triste parce que sa copine, elle veut plus de lui. Ah! Ouais. C'était quoi l'intitulé du sujet là du coup? Ah, le deuxième. Ouais. Ah oui, d'accord, bah c'était justement sur. Ah, tu l'as oublié. Non, pas du tout. Non, c'était les problèmes d'argent avec les autres personnes. Ah, exactement. Ah, c'est une meuf. Ah, parce qu'en fait, l'après-midi, pour vous expliquer, elle me dit voilà, il y a eu tel appel. Et effectivement, et là, il y avait eu ça. T'as raison. C'est une fille qui va emménager avec son mec. Ouais. Et elle a peur de s'embrouiller sur l'oseille. Il voulait savoir comment faut faire. Ah, tout à fait. Attends, vous bougez pas. 30 secondes, on parle de ça, on parle de cul, on parle de tout. On est sur Énergie. Merci d'être là. Ok. Vous l'avez poursuivi partout en France. Et vous l'avez trouvé. Et voilà, Gavin, 8 000 euros. Il est déguisant, monsieur. Tu t'appelles comment? Alicia. Il a été trouvé à Rennes. Anthony, grâce à ce coup du destin, c'est génial. Il arrive, bim, 6 000 euros. Le fugitif est dans Annecy. Ça c'est... arrive de partout. On vient encore de le trouver. Et je viens d'arriver au bureau et je vois devant ma fenêtre. Hélène, 15 000 euros. C'est énorme. Le fugitif Énergie repart bientôt. Et vous serez peut-être le prochain à gagner jusqu'à 50 000 euros. Demain. Tu fais quoi là ? Vivez Transformers The Last Night en avant-première exclusive. Oh, c'est pas vrai. Et découvrez leurs secrets avant tout le monde. Vous voulez savoir, n'est-ce pas ? Transformers The Last Night. Deux mondes entrent en collision. En avant-première demain dans toute la France. Vous êtes attendu, monsieur, de toute urgence. Avec Énergie. Envoie dispo au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo des ISPO au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, Énergie. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Énergie. Extravagant. Best DJ. Tiesto. Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren, Sander Van Doorn, Dimitri Vegas, Like Mike, Steve Aoki, Afrojack. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Styles jusqu'à minuit. Ici, c'est la radio des top DJ mondiaux. On t'arrête de jouer maintenant, on approche de l'Espagne, je vais exploser ton forfait. Ah, ça va, je m'en fous. Quoi ? Hein ? Tu dis quoi là ? Non, je te disais qu'avec mon forfait mobile free, j'ai 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Alors tu vois, on pourrait même aller en Australie que je pourrais encore jouer. Ah oui ? Bah ouais, j'ai même les appels SMS et MMS illimités pour le même prix toute l'année. Bien, merci prix. Offre soumise à condition sous réserve de couverture. 25 gigas octets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Bon, bah t'appelleras donc ta grand-mère tous les jours. Ça, ça va me coûter. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. For the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. Tell you gone off the door, say. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. Wow. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do? Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. Et des banques, vendu de la drogue, fait du trafic d'armes, infiltré le grand banditisme. Non, c'est pas le prochain GTA, c'est la vie de Christian Lestavel. Bitches. L'invité de Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur NRJ. Allez, 22h à minuit sur NRJ, on va recevoir un ex-braqueur de banque, vendeur. Enfin, il a fait plein de trucs pas bien. Hein. Il faut le dire parce que c'est vraiment de la merde. Il va lui dire lui-même d'ailleurs. Hein. Ah, c'est ouf quand même. Et, comme ça. Et après, il s'est fait, il a fait beaucoup de prison. Il, ouais. Il s'est fait arrêter forcément. Et il a été recruté par l'État en tant qu'espion dans le grand banditisme, etc. pour balancer des infos. Quoi. Oh là là. C'est intéressant comme vie quand même. Ah ben, ah ouais, ouais. Enfin, c'est intéressant à écouter, je veux dire. À vivre, je pense pas. Ah, moi, je. Ah non, bah non. Même t'es marié, il va nous raconter. Hein. Salut à toi et donc au cherche de version. Salut Guillaume, tu devrais renommer ton émission Guillaume Radio 2.1 car depuis que tu as une fille, maintenant deux dans l'émission, l'émission a évolué donc on change de version. J'adore l'illustre inconnu qui vous écoute souvent. Salut l'illustre inconnu. Salut. Merci. Guillaume et votre message aussi, sans dose. J'ai à te dire, avant de toucher les gens, commence par t'occuper de ta calvitie face de cul. Cédric du 53. Cédric du 53, il agresse. Il agresse fort. Sérieux, n'importe quoi. Et hier, je vous ai mis, j'ai fait des photos avec les animaux empaillés qu'on a eu pour Ludovic et Natou hier. Ouais, je mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube, hein, notre chaîne, la Guillaume Play, P-L-E-Y. Pareil sur Instagram, si vous avez deux minutes. Guillaume Play, P-L-E-Y. Et merci à ceux qui nous ont prêté les animaux empaillés. Comment ça s'appelle déjà là? Le site, c'est derol.com. Donc c'est D-E-Y-R-O-2-L-E. Voilà, c'est pour faire quoi le site, c'est un site rempli d'animaux empaillés et tout ce qui est taxidermie. Voilà, très bien. Ouais. Si vous aimez les animaux empaillés, si vous voulez un animal de compagnie qui est pas chiant. Dans le salon. Qui coûte pas cher. Salut Guillaume, dédicace à André Lassagne. Salut les gars. Là. Moi j'ai du mal avec les gens tactiles depuis qu'il y a une personne qui m'a agressé à chaque fois qu'elle me fait des câlins. Ah ouais. Ah c'est pour ça. Salut au groupe de Frigo Breton, Sylvain Milési. Bonsoir à toi. En parlant d'argent, je me suis fait voler plus de 500 euros sur ma carte et les gens se sont payés un voyage avec il y a une semaine. Mais non. C'est une bien longue histoire. Bon, on va t'appeler si tu veux là. On va parler des gens trop tactiles, on va parler des problèmes d'argent entre personnes aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes d'oseille et on va retrouver Christian Estavel dans un instant. Christian Estavel, c'est très simple. C'est un ancien braqueur de banque qui s'est fait arrêter. Un bandit. J'aimerais avant qu'on se fasse en deux minutes. Tu vas rester avec nous. Robin qui vient d'appeler. Tu m'entends, Robin? Ouais. Allô. Salut. Tranquille. Il est d'où? Il est d'où, Robin? Il est d'où? Nîmes. D'accord. Ok. Dans le 30. Ouais. Le 3-0. Ouais. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là-bas? Alors je suis étudiant infirmier en fait. Je suis en fin de deuxième année là. Infirmier. Ok. Très bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Fin de deuxième année, c'est-à-dire qu'il y a des examens là, non? Ouais, on a quasiment fini en fait. Il nous reste juste la semaine prochaine deux examens, mais sinon on a fait tout le reste. Bah c'est cool, et ça s'est bien passé ou pas? Ouais, franchement pour l'instant c'est cool, ouais. Bah, quand le métier il plaît, après tout de suite ça passe, hein. C'est, on fait ça avec plaisir. J'ai pas entendu ce que t'as dit avant, excuse-moi. Quand j'ai dit quand on fait le métier, tu vois, qui nous plaît, que ça nous. Bah c'est clair, ça nous plaît, la base, c'est oui. La vie, ça change la vie. Bah oui. Et oui, c'est sûr. Évidemment. Oui. On va parler des gens trop tactiles, justement. Sabrina, la nouvelle de l'équipe, c'est qu'elle était un peu tripoteuse. c'est vrai, non, mais je comprends. Plus bah oui, quand t'aimes bien les gens, voilà, c'est. Tu veux leur montrer. Toucher, voilà, je sais pas. Quand on aime bien les gens, on les branle, Guillaume. D'accord, ok. Elle a pas de limite. Elle est très ouverte d'esprit. Non, c'est pour rire, bien sûr. Alors, Christian Estavel, dans un instant, on va faire la musique du bonheur. Ah, oui. La musique du bonheur, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à chacun des membres de mon équipe de me proposer une musique. On va les écouter. On va écouter juste 10 secondes de chaque titre et vous allez nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça permet parfois de découvrir des nouveaux morceaux. On sait jamais. Par exemple, moi, je joue avec mes potes. C'est-à-dire que de temps en temps, quand je suis en voiture, je dis chacun met une musique, on va voter pour la meilleure. Ouais. Et j'étais ce week-end avec des copains en Corse et c'est là que j'ai entendu. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713. Et défonce hein, celle-là. J'ai découvert comme ça et je me suis dit tiens, ça serait bien puisque on a l'occasion de tomber sur plein de titres etc de temps en temps, de proposer des morceaux à l'antenne qu'on aime bien. Ouais. Et ça peut faire des idées pour vous tous. Il y a des styles un peu différents dans l'équipe, il y a des gens très différents et du coup ça aide à avoir des nouveaux morceaux à chaque fois. On va commencer par Sabrina la nouvelle. Ouais. Tu nous proposes un morceau. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as entendu où? Alors en fait, je l'ai entendu sur Spotify et en fait c'est Mickey Valen et son titre donc qui s'appelle Wide Card. D'accord. Et pourquoi il est? Tu l'as découvert comment? Comme ça? Ouais, comme ça en fait. Parce que des fois je mets des playlists, des trucs pas très connus et je suis tombée dessus et j'ai kiffé. Je suis d'accord. Là, il faut prendre Shazam. Ouais. Et l'application et ça écoute le morceau et ça vous dit le nom. Attendez, je vais vous faire écouter. Il y en a qui disent j'ai découvert un chanteur italien tout à l'heure, un peu comme PNL. Il s'appelle Liberato. Est-ce que tu peux bien voir Flo des cadeaux là? Il a YouTube devant lui. Liberato. Liberato. Attention, on va écouter 10 secondes de la chanson de Sabrina. Dites-moi ce que vous en pensez. Guillaume et votre avis aussi sans doute. Voilà, alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Aude, la nouvelle stagiaire? Si, c'est frais, mais après, je pourrais pas l'écouter tout l'été, mais franchement, elle est pas mal. Et moi, elle me casse la tête. Un peu, ouais. J'aime bien, mais au bout de 30 secondes, ça casse un peu. Tu vois, c'est moins bien que. I get those goosebumps every time. get a man. Après, c'est un coup de cul que j'ai eu là. J'exagère. Bah, c'est une musique de magasin pour moi. Moyen moins, voilà, un peu fade. Ça sur passe. 10, une note 4. Ouais. Ouais, tu l'écoutes comme ça parce que t'as pas le choix. Hein. Ouais. Guillaume, et votre note sur 10, tiens, aussi sur 12 pour voir. Flo des cadeaux. Moi, je mettrai un 5 sur 10. C'est une musique qu'on a un peu déjà entendue, mais bon, ça va, elle est pas dégueu. Elle est bien, mais un peu répétitive. Voilà. Ouais, le refrain. Je suis un peu d'accord. Guillaume, et votre message aussi sur 12. Quel kiff de passer une soirée avec vous. Tous les soirs, 2 heures de pure folie. Bisous, ma Julie. Gros bisous. Merci salut. Pour ton petit message. Salut à Eddie de Lyon. J'ai juste envie de passer à l'antenne pour vous dire bonsoir, avec plaisir. Faites découvrir le rappeur américain Darnell William. Il a à peine 50 vues alors qu'il est plus talentueux que PNL. Ah, bon, à noter. Bah ouais. Attends, vas-y, viens, on va regarder sur YouTube, là, Flo des cadeaux. J'ai déjà ton chine. Mets-moi l'italien, là. Mets-moi l'italien. Il y en a qui envoie un texto, on écoute direct, hein, je vous le dis. Ouais. Guillaume et le nom au 612 et je balance. Vas-y, fais-nous écouter Darnell. C'est parti. On écoute voir si c'est de la merde ou pas, vas-y. Ça, c'est italien, ça. Avance, refrain. Pas mal. Ah oui, c'est un gros rappeur italien, il a des millions de vues. Ah, c'est une restart. Ah, c'est pas mal. Ouais ça. Attends, va. Mais après t'as pris est-ce que t'as pris le plus gros morceau aussi? Bah, j'ai pris celui qui est sorti là dernièrement. Donc, ah, bah non, mais prends le plus gros. Vas-y, ouais. Tu sais comment on va. Je vais voir. Tu cliques sur vidéo et tu mets la plus grosse juste pour voir. Attends. Il en a que deux. Et l'autre il a. 820 000. Vas-y, mets-le pour voir. C'est bien, ouais. Attends, on va vous dire si c'est de la merde. Et après tu fais, non, c'est rigolo. 7 sur 10 pour la musique de Sabrina là. Puis après on reçoit Christian et Isabelle. Ouais, vas-y, c'est bon, merci. Mais nous, le rappeur américain Darnell William, il y en a un qui dit ça défonce. Alors tu l'écris comment? D-A-R-N-E-2-L. Darnell Williams. Comme Pharrell en fait. Vas-y. Il apparaît direct. Il a 50 vues apparemment sur sa vidéo. Vas-y, dis-nous. Ah ouais, 122. Vas-y, mets-le pour voir ce que ça donne. Avant d'écouter Soprano dans 2 minutes. But I live that shit like every day. I'm that nigga with the frames in the Michigan place. The one these hoes wanna fuck, but this dick ain't free. Bitch, I'm an MVP from the west of the D. Nah, I fuck the sugar coat and bitch, I'm the best of the D. Got a problem, insta tweet, DM a message to me. I reply every time, but nigga, fuck what you think. LOL, what's a critic to a nigga like me? Et pour un rappeur qui a 122 vues, ah ouais, le clip il est magnifique. Ça vaut plus, hein. Bah ouais. Le truc c'est qu'il y a tellement de rappeurs aux États-Unis. Ouais, c'est bien produit. Hein. Y a pas de refrain? Bah là on est déjà à la moitié. Ah ouais, ça part pas trop là. Attends, voilà. Got your feelings, I give you magic business. Make a movie like Spike. I play the role as a villain. I'm not rap. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais c'est... Franchement, merci Darnell William. Ouais. Y a pas un autre morceau plus connu là? Les gars, Steven HV et Yann Baudry aussi. Est très plus bien. Plus gros, il a 35 000 vues. Ah, vas-y, mets-le. Riles, c'est vraiment une grosse découverte. Salut, waouh. Salut Anthony. Salut Anthony du 29 là. Ouais, Riles, c'était un mec avec. C'était Seb Lafrite, le youtubeur. Il est venu, c'est un copain dans l'émission. Et il avait fait découvrir des petits gars qui commencent et tout, ça défonce. Franchement, ça permet de mettre un peu en lumière des mecs et tout. Vas-y, mets-moi la plus connue là. Ouais. Ok, ouais, bon. Après, c'est du rap de récent, quoi. Alors, Flo des cadeaux, tiens, c'est quoi ta musique du bonheur? On présente chacun notre musique. Voilà. Sabrina, c'était pas mal, mais un peu fade. Ouais. C'est ça, ouais. Mais elle le sait elle-même, hein, je crois. Ouais, mais après, j'écoute des trucs toujours un peu dans le même style, genre clubber, machin, j'aime bien. Ouais, ce style-là. Clubeuse. Elle sort. J'adore. Flo des cadeaux. Alors, moi, c'est du métal, je préviens tout de suite. C'est un groupe qui s'appelle Psycup. Ils n'ont pas sorti d'album pendant 10 ans, et donc ils viennent de ressortir un album, et il est excellent. Et la chanson elle s'appelle Cooler Than God. Oh là là, à chaque fois là, c'est nous saoule avec son sourire. Ouais, Franchement, c'est un kiff pour moi. Robin, il a pas kiffé. Ryan, le métal, toi, ça te fait quoi de Strasbourg là? Le métal. ça donne plus envie de vomir qu'autre chose. Ah, ouais. Comment t'as le geste, c'est quoi ton titre? Le mien c'est Andra, c'est une meuf qui vient de l'Est et en fait j'ai trouvé ça sur YouTube comme ça et le son c'est avec un DJ, franchement ça passe crème pour moi. Je le kiffe. C'est un peu bah, le soir franchement quand tu rentres c'est une musique sans charisme, elle est mignonne. Non mais dans le métro le soir après l'émission j'aime bien. Je préfère encore Darnell William là, ouais, le rappeur. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est autre chose. Salut, énorme la musique de Darnell William. Eh bah merci beaucoup, bah je suis content que vous ayez kiffé. Alors, on fait découvrir, salut Alan du 57. Un jour de paix des snipers, Ice MC le bon chemin. Écoute Senior, salut, écoute Flume, salut, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je m'appelle Avner, salut Avner. Bisous. J'aimerais un avis sur mon single, pour me trouver sur Spotify. Wiconic, salut. Salut pour l'été, j'aimerais bien que Alda Pangora de UNSA arrive, c'est frais, salut l'illustre inconnu. Bah, je vais aller écouter ça, ouais. On va les noter de toute façon, là, de la nouvelle stagiaire. Ouais. Tu pourras m'imprimer tous les SMS là, qui parlent de musique. Ouais, je vais faire ça. Les donner à Jordan, notre apprenti, les prendra pour les mettre dans la machine pour demain. Bah ouais. Comme ça, on découvrira un peu des petites nouveautés. Des petites soirées pépères, là, demain. dimanche, 20h. Ouais. Parce que là, on est là du dimanche au jeudi, donc là, ce soir, puisqu'on est jeudi, on est en direct, c'est le 22 juin aujourd'hui. On reçoit un ancien braqueur de banque qui a sorti un livre, Christian Lestavel. Ouais. Braqueur de banque pendant plus de 4 ans, il a braqué des dizaines et des centaines de banques. Ah, t'imagines. Avant de se faire arrêter, c'est surtout à ne pas faire et c'est pas bien. Bah ouais. Et justement, il va nous raconter ça après. Avant de se faire les One Republic dans 30 secondes, juste le morceau de Aude, la nouvelle stagiaire, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est un DJ lettonien qui s'appelle Tobu et son titre. C'est l'Eurovision, on dirait. Non, déjà. C'est exactement ça. Il s'appelle Tobu et son titre ça s'appelle Hope. Voilà. Eh ben dis donc, ça donne envie de danser, ben, finalement je crois que celle que j'ai trouvée la semaine dernière elle est mieux que celle-là. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713, through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. J'aime bien la chanson de Julien. Bisous Manon de Saint-Quentin. Salut Manon de Saint-Quentin. Salut Manon. Salut. Merci. Ça sonne la couille pour le braqueur, mais alors pas du tout. Ah non, non. Non, mais non, je vais vous le dire, regardez. Ah bah vous pouvez taper sur internet. C'est un vrai. Hein. Alors, je veux dire, il a 4 bouquins. Ouais. Christian Lestavel, nom de code, la loutre. Non, mais c'est vrai qu'on dirait une couille. C'est rigolo. C'est vrai qu'on dirait une couille. Après, comme ça, code, on appelle la loutre. Christian Lestavel, complot à Paris. Voilà, le document choc sur les coulisses d'un coup d'État. Christian Lestavel, les parrains du Sud. Un infiltré au cœur du grand banditisme. Tiens les noms. Et après, il est sorti 2025, le protocole de glace, il a fait une fiction, quoi. Mais non, mais complètement, vous pouvez aller voir sur internet, Christian Lestavel. Il y a des interviews et tout. Voilà, non, mais je vous jure, c'est vrai. Il arrive dans 5 minutes. On se fait l'énigme aussi. J'aimerais bien qu'on se fasse l'énigme juste après. Les One Republic et Amir. On se fait Nova Conti. Et je vous offre des GoPro et le pack VR, il tombe ce soir sur Energy. Tous mes mots, tu rempliras toutes les pièces. Merci. Infiltré dans les plus grands trafics français, mais travaillant pour l'État. Pouvant être dénoncé à tout moment, sans être protégé par le gouvernement. Christian Lestavel est chez Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur Énergie. Allez, juste apprendre à notre invité, ancien braqueur de banque et tout, qui s'est fait repérer par l'État et qui a dû les aider de force. Il va nous raconter ça après l'émission de fou qu'il a fait. On se fera juste après le nouveau Rihanna et DJ Khaled. Ils défoncent tous les gros hits sur Énergie, les gars. C'est les cas après, je suis la première. On va s'écouter en entière, on va s'écouter tous les plus gros hits. Voilà, Soprano. Voilà tout ça, hein, tranquille. Hein, voilà, Robin est avec nous, Ryan aussi, Brieux de Rennes est là aussi. On va se faire l'énigme. Ensuite, il y a Robin, tu vas nous raconter. Est-ce qu'on peut se faire l'énigme maintenant là? Ouais. Je viens de dire à Flo des cadeaux, on se fait l'énigme après, mais je crois qu'il a pas transmis. Si. T'as oublié. Non, mais je veux le dire, c'est pas grave. T'as oublié. Oui. Voilà. Et là. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit pendant la musique, j'ai fait l'énigme après. Ah, ok, d'accord. C'était pour que tu transmettes. Ah, j'ai pas capté. Moi, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Je suis désolé. C'est l'été, hein, maintenant. Il y a chaud. C'est le 22 juin. Non, mais il y a toujours. Alors, Aude, c'est Aude, la nouvelle stagiaire qui nous aide au standard. Et ouais. C'est une des premières fois qu'elle fait standard. Elle nous aide, etc. Parce qu'il fait très chaud. Et vous êtes très nombreux à appeler, machin. Donc, on a mis un petit peu plus de monde. Et c'est toujours à peu près à la même heure. Voilà. Mais là, on est en avance aussi, c'est notre faute. Hein. Ouais, y a un parce que dans un instant, on aura notre invité Christian Estavel qui va arriver. Mais d'abord, Ézéchiel qui est là. Tu m'entends, Ézéchiel? Attends, merde. Salut, papa. Ça va, Ézéchiel? Salut, papa. Ah, stylé. Alors, attends, t'as compris pourquoi je te regarde, Flo des cadeaux? Ézéchiel, ça te dit rien? Oui, bah si. Ça te dit quoi? Bah, il y a deux trucs, mais je pense que tu me regardes pour Walking Dead. Exactement. Ah ouais. Il y a un mec qui s'appelle Ézéchiel dans Walking Dead. Il y a aussi dans Pulp Fiction. C'est pas le King. Attends, c'est pas. Oui, c'est le roi. Non, c'est le roi. Ouais, c'est le roi. Il y a le roi dans son royaume de Walking Dead. Avec le tigre. C'est ça, Ézéchiel. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois, ouais. Ah mais tu regardes pas Walking Dead? Non, justement, je me suis dit fallait que je m'y mette, mais j'ai pas encore regardé, non. Il y en a qui t'en parlent, ou jamais? Ouais, j'ai mes potes qui m'en parlent, ouais, mais ouais, fallait que je m'y mette. C'est quand même, pour moi, c'était un prénom qui t'a inventé. Ah bah non, Ézéchiel. C'est aussi un joueur de foot. Non, mais moi j'adore Ézéchiel. Je trouve ça trop stylé. C'est un joueur de foot. Bah, l'avait dit. Il était au PSG, il s'appelait comme ça. Ézéchiel, quelle origine? Il était argentin. Ah ouais. Il est encore, mais. C'est un prénom de quelle origine? C'est un prénom de quelle origine, Ézéchiel? C'est hébreu, mais mon père il est argentin. Putain, c'est stylé. Ah, tu vois, il est argentin son père. Sabrina? Il y avait un roi mage qui s'appelait Ézéchiel, je crois. Ah voilà. Ouais. C'est notre Stéphane Bernard. Elle connaît mieux les rois mages. J'avoue. T'es sûr? Non, regarde, mais Gaspard Melchior. Non, si je peux me permettre, hésite pas à taper sur Google. Un apôtre. Ah d'accord, ouais. Non, c'est un personnage de la Bible, Ézéchiel. Ah, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas un roi mage. C'est le personnage de Lucky. J'ai vu quelque part. Mais c'est pas un roi mage. Non, mais bon, c'est pas grave. Ézéchiel, très bien. Si tu veux faire une émission légère ce soir, Virginie, c'est-à-dire qu'il a l'air lourd. Pas du tout. Hein. Je suis pas lourd. Alors, n'importe quoi. Toi qui kiffes Travis Scott, écoute Carnage, Fit, Migos Bricks. Vas-y, si ça ne mérite pas une tablette, bah, j'irai voir avec plaisir. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Et on se fait. Alors, Ézéchiel, t'es venu lâcher l'énigme, c'est ça. C'est ça. Du 24. Putain, j'adore ton prénom, mec. Ah ouais, de ouf. Ouais, je vais te garder avec moi toute la soirée. Il faut que avoir la classe. Et j'ai l'impression d'être dans Walking Dead. Ah ouais. Il faut qu'on arrive au Kingdom. Le Kingdom, ouais. C'est le royaume. Le royaume. Est-ce que je regarde en version anglaise, mais avec les sous-titres en français pour aller plus vite, sinon t'es obligé d'attendre trop là. Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a le Bureau des légendes 3 qui est sorti là. Ah ouais. Ah, carrément déjà. Sur Canal Plus, ouais, ça défonce là. Et en fait, tu peux tous les. D'ailleurs, Follicalos, tu pourras me. occuper de mes poissons. T'inquiète pas. Il comprend, c'est les mots de code. Ah, ouais. Mais moi j'ai compris là. On va aller à la pêche. Il va à la pêche. Il va à la pêche à mes poissons. T'inquiète. Ézéchiel, 13 ans, de Cou et Bigaroc, c'est ça? Non, Cook, c'est Bigaroc. Ah, Cook, c'est Bigaroc. Vers Bergerac. C'est facile à retenir, pourtant. Ézéchiel, de Cook, c'est Bigaroc. J'ai pas pensé plus tard. Mais... Oh, un personnage de film. Oui, c'est sûr. Dans Game of Thrones. C'est clair. Hey, j'adore ton prénom, mec. Je te jure, je vais appeler mon fils comme ça un jour. Ah ouais. Ézéchiel, je trouve ça stylé. Ézéchiel Play. Ah, ouais. Ça tape, Ézéchiel Play. Ah ouais. Ah ouais. T'as l'impression que c'est un personnage de BD, quoi. Ézéchiel au tableau. Je te jure, ouais, hey, je note si un jour j'ai des enfants et tout, plus non, tard. Non, j'avoue, ouais. Et ben, je note sur mon blog, sur un bloc-notes les prénoms. Ézéchiel. Ouais, pour l'instant, j'ai Louis et Ézéchiel, ouais. Tu vois, c'est très classique et très pas classique. Ah ouais. Non, c'est vrai. Hein. Attends, tu en connais un autre, Ézéchiel, ou pas, toi? Bah non, j'en connais pas d'autres. Je kifferais trop, tu vois, mais je me sens un petit peu seul. Franchement, ah bah non, c'est stylé, tant mieux. T'es malade, c'est trop stylé. C'est mieux. Non, mais je te jure, frérot. Non, mais c'est parfois quand t'es au bahut et tout, tu sais, t'as des teubés là qui te cassent les couilles avec les parce que t'es pas comme tout le monde et machin. Mais en fait, c'est plus tard, t'es content, tu vois ce que je veux dire. En vrai. Ouais, non, mais je suis fier. Mais bien sûr, mais tombe les couilles de toute façon. Alors, Ézéchiel, on est là, du coup. On est en direct, hein, voilà, on est en direct. 22h51, tu vas lâcher l'énigme, frérot. Après, on va recevoir Christian Lestavel, qui était braqueur de banque, qui s'est fait repérer par l'État, qui est devenu agent secret et tout, qui a fait des émissions avec des explosifs sur le dos, jeté des trucs dans la montagne. Il a fait des trucs de fou. Ouais, t'as le mec, dans les films. Ah, exactement. Il va nous raconter ça. Ézéchiel, est-ce que tu veux bien commencer à nous lâcher l'énigme? Vous envoyez Guillaume et vous envoyez votre numéro de téléphone avec la réponse de l'énigme au 6-11-12. Voilà, Guillaume veut la réponse de l'énigme avec votre numéro au 6-11-12. On vous file des packs VR complets PS4 Pro, casque VR, caméra et manette PS Move, overboard aussi, on vous file plein de trucs toute la soirée. T'as remis le ventilateur, Sabrina? Non, je l'ai pas mis. Et Aude non plus? Non, je l'ai pas. J'ai l'impression qu'il y a un sifflement. Il y a un truc, non? Non. Non, ça, non, ça va. Mon casque. J'entends des voix. Ah, oula, oula. Des voix me parlent. La chaleur. Une voix vient de me dire de tuer Jules Stagiaire. Ah non, le mec, il vient foutre, c'est en direct. J'écoute pas cette voix. Alors, Ézéchiel, est-ce que tu veux bien te donner, s'il te plaît, frérot, la première phrase de l'énigme? On ne peut pas le noyer. On ne peut pas le noyer. Guillaume est la réponse avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. On ne peut pas le noyer. Allez-y, hein, si vous avez trouvé la bonne réponse, Guillaume, et la réponse aussi 6-11-12. Est-ce que vous avez trouvé? Allez-y. Alors, vas-y, donne-moi une deuxième réponse, s'il te plaît. Deuxième phrase. En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Ok. Salut, Guillaume. Moi, je m'appelle Lalik Lalig. Je te laisse imaginer mes blagues auxquelles j'ai eu droit. Salut, Lalig. Putain, c'est énorme. Lalig Lalig. Bah ouais, L-A-L-I-G, L-A-L-I-G. Nom de famille et prénom ils t'ont donné comme prénom ton nom de famille. Attends, laisse-moi ton numéro, la Ligue. C'est compliqué. Attends, je trouve ça incroyable. La Ligue. Ouais. Comme si tu t'appelais Play. Bah ouais, Play. Et bah laisse-moi ton numéro de téléphone, la Ligue. Ah et ouais. Je vais t'appeler direct Guillaume et la réponse, si vous l'avez trouvé, avec votre numéro au 612. Et je vous file le pack VR complet PS4 plus la tablette Samsung GoPro et Overboard. Vos stars énergie préférées sur une même scène. C'est le Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite s'arrête le 1er juillet à Roubaix. Sur scène, c'est Kinvé sur Énergie. Vita, c'est Boosty sur Énergie. Oshi, Chris Cab, Tidiaz, Camaleon, Mactar, Jaded, Nemo Schiffman, Pasada, Jax Jones et l'artiste. Le Energy Music Tour à Roubaix. Le 1er juillet, avec Sam, le conducteur désigné. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Ah, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Énergie présente la tournée Fizz Experience Series avec au programme du skateboard, du BMI, du wakeboard et du roller. Fizz Experience Series, le sport extrême festival 100% gratuit. Il passera forcément près de chez vous. Reims, Anglette, Le Havre. 2, 3, Toutes les dates et infos sur Fizz.fr. Fizz Experience Series, un événement énergie. Hit Music Only. Chercher l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil ? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Il a braqué des banques, vendu de la drogue, fait du trafic d'armes, infiltré le grand banditisme. Non, c'est pas le prochain GTA, c'est la vie de Christian Lestavel. L'invité de Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur l'RG. Allez, on vous file des cadeaux avant qu'il y ait notre invité qui arrive. Il y a Ezekiel qui est avec nous, 13 ans de Cooks et Bigaroc, dans la Dordogne, dans le ouais, 24. Ouais, c'est ça. Et tu m'entends toujours, Ezekiel de Cooks et Bigaroc? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Non, c'est génial, ouais. Vraiment, j'ai l'impression d'un personnage de film. Ouais, ouais. Alors, Ezekiel, est-ce que tu veux bien me redonner les deux premières phrases de l'énigme, s'il te plaît? On ne peut pas le noyer. On ne peut pas le noyer. Première phrase, qui suis-je, Guillaume? Et la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans, au 6-11-12. Deuxième phrase, c'était... En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Est-ce que ça serait un coup fin? Non. 06 29 13 64. Moi, c'est Sébastien du 53. Salut, Seb. Et est-ce que ça serait un bouchon? C'est pas ça. 06 76 47 97. Qui suis-je? Est-ce que ça serait une boule? Réessaye. On ne peut pas le noyer. En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Bah oui, c'est les bouchons. Non, c'est pas les bouchons. Qui suis-je alors? Est-ce que ce serait un ballon? Il y en a qui dit des ballons. Non, retente ta chance. Les ballons là, 06, 30, 92, 32. Guillaume est donc la bonne réponse au 6, 11, 12. Il y a 16 messages qui sont arrivés. Environ ouais. 20 messages vont arriver pour chaque énigme. Vous avez une chance sur 20 si vous avez trouvé la bonne réponse. Je vous offre des GoPro 5. Ça dure une minute le jeu. Des tablettes Samsung, des overboards et surtout le pack VR qui vaut plus de 1000 balles. La PS4 Pro à l'intérieur, le casque VR. La caméra et les deux manettes PS Move. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les manettes avec des boules au bout. Et vous avez l'impression de tenir des flingues dans les jeux, tout ça. C'est extraordinaire. Franchement, je l'ai, moi, c'est extraordinaire. À jouer, c'est vraiment, vous allez trop kiffer. Je vous file ça maintenant. Guillaume, la bonne réponse. Avec votre numéro aussi, 11-12. On ne peut pas le noyer. En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Troisième phrase, qu'est-ce que c'est là? Certains se font engueuler comme du pourri. On se fait engueuler comme du. Pourri. En voiture, il faudrait faire une queue de. On ne peut pas le noyer, le. Voilà, Guillaume. Et le mot. Le chagrin, il y en a qui dit. Toujours pas. 06 66 15 35. Est-ce que ça serait du sang? Essaye encore. Est-ce que ce serait du chêne? Pas du tout. 06 70 60 57. Je mets la musique de Walking Dead parce que Ezekiel, il a le prénom d'un personnage ouais. de Walking Dead. Des mecs qui passent souvent en plus maintenant là. Bah là ouais. C'est le mec qui a un tigre. Il y a un mec qui possède un tigre ouais. dans c'est Walking le roi Dead. Du royaume. C'est le roi du royaume dans Walking Dead, exactement. Son quartier s'appelle le royaume, The Kingdom. Ouais. Guillaume, donc, il y a la bonne réponse au 6-11-12. Qui suis-je? Est-ce que ça serait par message, il y en a un qui dit de l'air? Raté. Des oiseaux? Faux. Est-ce que ça serait un bateau? Mauvaise. Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro au 6-11-12. Quatrième phrase, qu'est-ce que c'est? Le rouge est le plus connu. Le rouge est le plus connu. Est-ce que ce serait la tête? Non. Rouge de tête. Salut, 06 61 53 35. On essaye de trouver la bonne réponse. Je lis vos textos. Est-ce que ce serait le mot, la réponse? On ne peut pas le noyer les mots. Ouais. En voiture, il ne faut pas faire sa queue, les queues de mots. Certains se font engueuler comme du pourri, les mots pourris. Ouais, ça existe. Hein. Le rouge est le plus connu. Est-ce que ça serait le téléphone? Réessaye. Est-ce que ça serait les lignes? Retourne ta chambre. La ligne rouge, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que ce serait le fil? Toujours pas. Jimmy qui dit le fil, 07, 68, 43, etc. Salut mon con. Est-ce que ça serait le gras? Réessaye encore. Eh ben c'est pas le gras non plus alors. On ne peut pas le noyer. En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Certains se font engueuler comme du pourri. Le rouge est le plus connu. Cinquième phrase, qu'est-ce que c'est? Si on est comme lui dans l'eau, on se sent bien. Si on est comme lui dans l'eau, on se sent bien. Guillaume, la bonne réponse au 612, le homard. Comme un homard dans l'eau. Bah ouais, il est dans l'eau, l'homard. Ouais. C'est ce qui est arrivé. Alors attention, et sixième phrase, qu'est-ce que c'est? Vas-y, pour terminer. Celui d'avril est une blague. Le 1 avril. Guillaume, vous me mettez le mot que je cherche avec votre numéro au 612 et juste après on retrouve Christian Estavel qui est braqueur de banque, qui a sorti un livre, qui a infiltré grand banditisme, on en parle juste après sur Énergie. Là vous envoyez Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro. Je vous fais le pack VR entier avec la PS4 Pro, l'overboard, la tablette et la GoPro 5 sur Énergie là. Un des cadeaux qui part chez vous là ce soir. Cause he knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Bonne soirée les gars, on est en direct. Son nom est Lestavel. Christian Lestavel, infiltré de la police dans le crime organisé. Il est chez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Allez, avant d'accueillir notre invité dans 3 minutes, Ezekiel était là pour lâcher l'énigme aussi et t'avais donné une énigme. Est-ce que tu veux bien la répéter une dernière fois? Je file les packs VR, les nouveaux de la PS4 Pro, avec tout compris à l'intérieur, là, pour quasiment 1000 boules. Il y aura les overboards, les tablettes Samsung, les GoPro 5 aussi. Au fil, plein de cadeaux. Hein. Guillaume est la réponse de l'énigme avec votre numéro 612. On la répète une dernière fois si tu veux bien, Ezekiel. On ne peut pas le noyer. On ne peut pas le noyer. En voiture, il ne faut pas faire sa queue. Certains se font engueuler comme du pourri. Le rouge est le plus connu. Si on est comme lui dans l'eau, on se sent bien. Celui d'avril est une blague. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis la réponse de Guillaume? Non, qui a la bonne réponse au 6, 11, 12. On essaie de trouver la bonne réponse. On ne peut pas le noyer. On ne peut pas noyer le... En voiture, il ne faut pas faire la queue de... Voilà, vous envoyez Guillaume et le bon mot avec votre numéro au 6, 11, 12. Je vous file maintenant les cadeaux. Il y a plein de réponses qui arrivent. Est-ce que ça serait du hareng? Raté. Est-ce que ce serait un rocher? Faux. Une moule? Mauvaise réponse. Des algues? Non. Un moteur? Pas ça. 06 66 82 13. Une rivière. 06 89 91 23. Est-ce que ça serait du fer? Autant de ta chance. Non, c'est pas du fer, qui suis-je? Alors, Guillaume est la bonne réponse, 612, on essaie de chercher ça. Elle serait un poisson, évidemment. Oui, bravo, c'est ça. Bah, félicitations mon con hein, qui a envoyé le message. On va faire un tirage au sort. On va prendre un numéro au hasard, on va appeler pour filer des cadeaux. Il y a des overboards, il y a plein de trucs. Il y en a qui dit La Ligue là, qui a écrit tout à l'heure La Ligue ouais. Et dit c'est mon prénom et du coup j'ai eu le droit à des blagues du genre La Ligue des Champions, La Ligue des Justiciers, ouais. Ah ouais putain. La Ligue des Champions. Il y en a 50. Ma vie est une VDM constante, une vie de merde. Salut. C'est original au moins. Bah bisous La Ligue. Tu te démarres. Mais ça se prononce La Ligue ou ça se dit Lali et ça s'écrit avec un G en fait. Bah, si elle est géniale, ouais. La Ligue. T'as connu quelqu'un qui avait un prénom original, Sabrina la Nouvelle au Bahut ou ailleurs? Ouais bah le celui qui me vient en tête, j'avais déjà dit, c'était Florian Cuny. Ah oui, c'est un nom. Ouais, après un prénom, mon meilleur ami s'appelle Basile par exemple. Ouais, mais Basile, bon, ça passe quoi. Basile Boli. Bah oui, ouais, ça passe. Au-delà, ça gère. Moi j'avais une pote, c'était en terminale, elle s'appelait Willy, comme la baleine. Ouais, ah ouais. Willy, et elle avait un frère qui s'appelait Ramsès. Et une sœur qui s'appelait Lady. Putain, ils étaient chauds. Hein. Lady, ouais. C'était podium, le truc. Ouais. C'était bon. Et le pire, c'est les sosies de Claude François, quoi. Ton fils, c'est Ramsès, Lady. Et c'est et c'était quoi le premier fille. De quoi? Ah oui, Willy Ramsès. Willy, ça va. Willy Ramsès et Lady. Ouais, Ramsès, c'est original. Bah, ouais, c'est difficile Willy, à porter. Willy, quand même. C'est un nom qui existe, par contre, Willy. Ouais, mais je trouve ça diminutif, quoi. C'est diminutif de William. Bah, Willy Rovelli, après. Oui, mais Willy, c'était une fille. Ouais. Moi, j'ai un prénom que j'adore pour les filles, c'est Charlie. Ah, t'allais le dire? Bah, on l'a dit en même temps. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. D'accord, ok. Putain, on est un peu connectés. Le prénom de fille, Charlie. Ah, c'est trop beau. Ça stylé parce que c'est un petit côté. En fait, ça fait garçon manqué. J'adore les prénoms de mecs portés par les filles. Mmh. Ah, ouais. Genre Richard. Ouais, non, pas. Mais non. Oh, là, Charlie, c'est pareil. T'appelles ta fille Richard, t'es convoqué à la DAS en mouillant. T'as le droit, hein, si tu veux. Richard. Bah, Ramsès. Non, mais tu vois, Charlie, c'est un peu entre les deux. C'est mixte. Et si une jolie nana qui s'appelle Charlie, ça fait. Elle a du chien. Ouais. Ah, j'adore. Comme ça, ouais, c'est vrai, hein, entre les deux quoi. Bon, et en tout cas, Ezekiel, on va appeler le gagnant en même temps. On va offrir un cadeau ce soir, c'est parti. J'appuie sur le bouton, ça va tirer au sort un numéro au hasard. Salut aux filles, sympa la soirée, je kiffe. Salut Phil 93. Salut Phil 93. Salut mec. Faut que ça réponde hein, par contre. Hein. Avant de se faire un nouveau Rihanna avec DJ Khaled, Wild South. Allô? Allô? Ouais. Ouais, ça va, c'est Guillaume là sur Énergie, ça va frérot? Ouais, ça va. Ouais, ça va, tu fais quoi? Tu bouffes un kebab ou quoi? T'es occupé? Non. Tu fais quoi? T'es dans le lit, t'es au camion, t'es dans le boulot, tu dors? T'es dans la chambre? Dans la chambre. Ouais, la chambre. Quel âge t'as? 16. 16, et t'as quel prénom? Théo, très bien. Enchanté, Théo, 16 ans. Salut. De quel coin tu viens toi? De Mayenne dans le 53. Vas-y, bah représente. Dans Laval. Ouais. Eh ben vas-y, hein. Et je t'envoie un cadeau demain matin, frérot. On va faire tourner la roue des crados ensemble, d'accord? C'est Flo des crados qui va faire tourner la roue des crados. Avec plaisir. Il y a des GoPro 5, des tablettes Samsung, des overboards et des packs VR complets PS4 Pro à 1 000 €. Qu'est-ce que t'aimerais le plus gagner? On va voir sur quoi on tombe. Sur la tablette. Sur la tablette Samsung, très bien. Bah, bonne chance. Hein. Tu préfères gagner la tablette? Eh ben, on va demander à Flo des cadeaux de faire tourner de toutes ses forces. Ah ouais. La roue des crados. Avec mes mains. Tu vas prendre ton élan. Faites-le avec Julien, c'est-à-dire faites-le avec deux. On verra si il tourne plus longtemps. Attention, attends. 3, 2, 1, top. Yes. Ça a l'air débile, non? Une tablette Samsung. Félicitations, mon con, je t'envoie ça à la maison demain matin, d'accord? Merci. Bravo, mec! Eh ben, vous avez eu du cul pour une fois. Ah ouais? Eh ben, Théo, oui. 16 ans de la Mayenne. T'es en quelle classe, Théo, toi? Ah, moi, je suis en seconde, je passe en première. Là. D'accord, ok. Ah, donc, t'es déjà en vacances, toi? Ouais, bah là, je suis en vacances. Oh la chatte! Oh là là! Ah. T'as bien! Donnez-moi! Alors, avant de se faire le nouveau Rihanna, il y a quand même qu'une seule émission sur cette putain de planète où vous allez entendre du Enrico Macias enchaîner à du Rihanna. Il y a aucun business de radio, non, business plan qui est dit tiens, on va passer un morceau très ancien. Et d'un coup, un morceau DJ Khaled. Ouais, mais c'est pour ça que c'est intéressant, mon Théo. Tu connais piquant cette émission là? T'es tombé dans le piège quand? Oh, moi, je connais. Ouais. Non, je connais depuis longtemps maintenant, j'écoute depuis longtemps. C'est vrai? Ah oui. Dans le lit, t'écoutes en général. T'as des écouteurs, t'écoutes sur une chaîne, t'écoutes comment? Sur la radio. Sur la radio, ouais. T'as une radio dans la chambre et tout? Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Et t'as des écouteurs branchés dessus ou un casque ou rien? Non, rien. C'est vrai, ah ouais. Comme ça. D'accord, ok, vas-y, bah c'est plaisir en tout cas. Et tu vas faire quoi ces vacances? Tu bouges un peu? Tu vas faire quoi? Ouais, bah là, je prépare les championnats de France de kayak. Ah, c'est vrai, il y a des kayakistes, putain, énorme. Ah ouais, il y a deux mecs qui sont morts la semaine dernière, hein, t'as vu? Sous l'eau? Ouais. Mmh. Bah, ouais. En France, deux Merde. Français là. Pourquoi? Ils sont, bah, ils ont, c'est en France, non? Ou ailleurs? Je crois que c'est en France. Ouais, je crois qu'il y a une rivière qui est montée, il y a eu beaucoup de courant, il y a une énorme vague qui est arrivée. Et je crois que c'est un barrage qui a ouvert, un truc comme ça, ils savaient pas. Et t'as été emmené, tu peux rien faire. Faut faire gaffe quand même. Et là, ah ouais, c'est clair. Putain, tu fais du kayak, tu dois avoir des bras assez durs, non? Bah, franchement, ça va, ouais. Ça, c'est un truc c'est de. Comme l'aviron. Ça, c'est un truc de mec sec et musclé, là. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Attends, c'est hyper dur le kayak physique. Ah ouais. Et par contre, je crois qu'il y en a un qui t'a reconnu, non? Ouais, un mec du kayak. Je crois que t'as reçu un SMS, là. C'est qui le SMS que tu vas recevoir? Vas-y, regarde en direct, hein. Vas-y, dis-moi. On se confie, on s'en bat. Vas-y, dis-moi qui t'a envoyé le message. Ah bah il m'entend plus. Il a plein envie. Il est parti. Ah merde. Théo? Il a coulé. M'entends plus? Ah non, je pense qu'il a fait une connerie. Ah Théo? Putain, qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est là, c'est que le mec il gagne un cadeau à 500 boules et il se dit pas, tiens, je suis plus à l'antenne, je rappuierai peut-être sur le bouton parce que j'ai mis Allô. Ah Putain, qu'est-ce que t'as fait, branleur? T'as appuyé sur quoi? Pourquoi on t'entendait plus? Parce que j'étais regardé le message. Ah, et ok. Du coup, ça a coupé, et c'était qui alors? C'était qui? Mathis, c'est du kayak. Et je suis dédicace. Ah, il t'a reconnu? Ouais. C'est vrai? Il t'a dit t'es sur Énergie? Ouais. Énorme. Ouais. Il écoute, il fait une dédicace à mon frère aussi qui écoute dans le salon en ce moment. Vas-y, dédicace. Bah, salut à tout le monde qui écoute. Hein. Hey, je te repasse le standard, je te repasse Flo des cadeaux pour t'envoyer le cadeau, d'accord? D'accord. Ok, salut man. Salut. Et bravo Théo, bravo à toi. Gros bisous à tous les kayakistes de France et tout. Et Ezekiel, une petite dédicace en 5 secondes, après on a le braqueur, il vient me braquer. Ouais, dédicace. À Bébert, à tous les potes du collège, Carla, Aline, Roman et à ma famille que j'aime beaucoup. Eh ben très bien. Merci Ezekiel. Et, ouais. et merci mille fois d'être passé, hein, vraiment. Guillaume. Allô? Oh, c'est une couille. C'est un petit peu malaisant, là. Tu ne crains pas le malaise. Non. Je peux perdre, je perdrai jamais face à un malaise. On a je n'ai aucune sinon j'aurais pas fait Guillaume Radio 2.0, je n'ai aucune notion du malaise. Ouais. Les situations malaisantes, je ne les repère pas moi. Ah c'est vrai. Hein. Moi je peux être dedans depuis 2 heures avant de m'en rendre compte. Hein, toi. Ouais. Parce qu'on est à 1 million que je peux pas m'arrêter de parler, de faire. Pendant une demi-heure, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. J'imagine juste mon patron s'il écoute à ce moment-là. Ah merde! Il rentre dans sa Porsche. Et là, il m'énergie en temps. Bah, c'est bien! Et là, pendant 3 minutes, il entend que ça. Et là, il y a mon portable qui vibre et il me dit c'est quoi ce bordel? Et c'était là, bah là, je sais pas, j'ai envie de faire des bisous à l'antenne. En fait, on a fait tellement de réunions comme ça que maintenant, il m'appelle plus. Ah merde! Il m'en parle une fois par mois. Il m'a dit j'ai noté lundi que tu as fait un. Tu as à un moment donné, tu as regardé Julien Stagiaire et tu as arrêté de parler pendant 40 secondes. Tu peux expliquer pourquoi? Non, j'ai envie de faire un concours de regard comme des cow-boys. Un moment intime, on a ouais, c'est tout, c'est tout. Ouais. Ezekiel, je te fais un bisou et je te repasse le standard, d'accord? Ouais, mais Guillaume, du coup. Ah oui, tu voulais dire un truc, pardon. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, oui, vas-y, rapidement, après, il y a Christian Ezekiel. Christian. Stavel. Ça rime. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir 2 posters dédicacés par l'équipe, s'il te plaît? Bien sûr, frérot, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. 2 posters dédicacés, 2 posters pour la 4, 2 posters. On t'envoie ça demain, 2 posters pour la 4. Ok, bisous, Ezekiel, je t'envoie ça avec grand plaisir, mec. Ouais, gros bisous, à plus. Ok, bisous à toi, mec. Merci Salut. Beaucoup. Hein. Bon courage à toi et tout. Kiffez bien. Fares de Barbès, c'est-à-dire, comment ça va? Salut Guillaume, ça va? Il est en stage pendant quelques jours. Alors, ouais. Fares de Barbès, il a les bons plans. Ouais. Les bons plans du jeu, les bons plans du jeudi. Qui vont passer les bons plans du mama, les bons plans du mardi. Voilà, pour économiser de l'argent et tout ça. On va pas le faire ce soir, Fares, parce qu'en fait, on a un petit peu okay, vraiment okay, la bourre. Pas de souci. Et on a un invité de marque, on a Christian Stavel, qui est un des plus grands braqueurs français. Bon, c'est pas bien, mais maintenant, il a été retourné, il a travaillé pour l'État pendant des années comme infiltré, il va nous raconter des trucs et tout. tu les gardes et tu nous les fais mardi. Pas de souci, vas-y. Comme ça, ça t'évite de pas dormir tout le week-end. Ouais. Pour chercher des bons plans, parce qu'il a mis la barre très très haute. Hein. Il nous a présenté une application qui s'appelle Mobayer qui permet de faire des petites missions en prenant des photos dans des magasins, dans des pharmacies. Vous êtes payé entre 3 et 6 euros. Vous pouvez faire jusqu'à 100 euros par mois avec cette application et c'est vachement bien. Quoi. Tu peux te payer tes vacances à la fin de l'année. Quoi. Bah oui. Donc on se retrouve mardi. Merci Farès de Barbès. On va appeler Monsieur Lestavel. On se fait Enrique Iglesias. On retrouve un des plus grands braqueurs français qui s'est fait repérer et a travaillé pour la DGSE, les services secrets français. On le retrouve juste après Enrique Iglesias. C'est Sube la radio sur Énergie. No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la el pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo te estoy pidiendo, romper este silencio, súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. GTA, c'est la vie de Christian Lestavel. L'invité de Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Eh, c'est quand même un jingle qui te vend bien. C'est vrai, hein. Ça va Christian, bienvenue sur Énergie. Ouais, mais pour trouver du boulot, ça va être dur. Ça va, première fois sur Énergie? Ouais, première fois. Voilà, moi je vais vous dire, j'ai rencontré Christian parce que j'étais invité à l'émission C'est mon choix pour être avec Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, à côté d'elle et tout. Et puis en fait, il m'avait dit, on va jouer à un jeu. Evelyne Thomas m'a dit, tu vas venir et il y aura des gens avec des panneaux, il faudra deviner leur précédent métier. Ah, et ouais. Aujourd'hui, vous faites complètement autre chose, hein, c'est ça, Christian? Ouais, je suis auteur scénariste. Ah ouais, donc rien à voir. Ah, ça a changé, ouais. C'est rigolo. Hein. Heureusement. Attends, ils m'ont amené plein de livres parce qu'en fait, Christian, il a sorti plein de livres. Il était braqueur de banque à l'époque. Après, il a travaillé pour l'État en tant qu'infiltré et tout. T'as fait un livre qui s'appelle Les Parrains du Sud. Un infiltré au cœur du grand banditiste a fait complot à Paris, un document choc sur les coulisses d'un coup d'État. T'as fait un livre qui s'appelle Nom de code, la loutre. Moi j'ai infiltré le crime pour l'IRG. C'était vraiment ton pseudo? Ouais, que j'ai connu que quand j'ai quitté la direction centrale. Parce que tu le connais pas ton nom de code. Attends, parle bien près du micro, parce que les portes sont ouvertes du micro quand t'es prêt. C'est le nom de code qu'on te donne pour pouvoir t'identifier vis-à-vis du ministre de l'Intérieur ou de ton chef de service. Mais toi, personnellement, tu connais pas ton nom de code, on te le donne à la fin quand tu dois être identifié. Ah, c'est hyper drôle, Flo des cadeaux. Ils ont expliqué pourquoi la loutre? Ouais, parce qu'on disait que c'était un. On m'a dit que c'était un animal qui s'infiltrait partout. Ah oui, une loutre. Donc voilà, c'est tout. C'est... Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est marrant. T'imagines? T'es tatoué un peu? Alors attends, il va nous dire. Ah ouais, c'est pas. Il a quand même. Il est tatoué sur le torse, c'est tout, parce qu'il a une vie de bandit énorme. Et là, t'as sorti un livre qui s'appelle 2025. Ouais. C'est aux éditions Roman, c'est ça? R-O-M-N. Ou c'est un roman? Non, c'est un roman. C'est un roman, parce qu'il n'y a pas marqué les éditions. Non, je l'édite moi-même, chez Amazon directement. D'accord, voilà. Ok. 2025, le protocole de glace. Ouais. Alors, tu vas nous en parler. Voilà, c'est ce livre. On va écouter ton histoire un peu, et puis vous allez être intéressé, c'est obligé, parce qu'il est hyper intéressant. Moi, je l'ai vu parler l'autre jour à la télé. Je me suis dit, putain, mais il faut vraiment qu'on l'invite, parce que c'est passionnant. C'est pas bien, ça ne surtout pas faire, c'est interdit. Tout ce qu'il a fait, voilà. Parce qu'il faut aussi préciser, à chaque fois qu'on parle d'un truc illégal à la radio, on est obligé de le préciser. Oui, d'accord. On le précise souvent. Si par exemple, à un moment donné, il y a une discussion qui vient sur le shit parce qu'il y a un mec qui sait pas machin, il faut absolument dire que c'est interdit, illégal et machin. D'accord. Dès qu'on parle d'alcool, même ne serait-ce qu'une seconde, il faut dire que ça conseille, c'est une nouvelle loi. On va dire beaucoup de fois alors, c'est ça. Mais on peut parler de tout, mais il faut juste prévenir quand c'est illégal, voilà, pour faire la part des choses pour ceux qui écoutent et tout. Alors, on va revenir sur tes débuts. C'est à quel âge que tu as commencé à braquer les banques, toi, alors? Première fois. 17 ans. Comment on se retrouve? Putain, mais c'est hyper intéressant. Oh là, je vous le dis. En job d'été, t'es. Non. Qui démarre comme ça. C'est des petits concours de circonstances de la vie, quoi. J'ai eu une enfance assez difficile, je sors de la DAS. Ouais. Et à force de fuguer, de commettre des petits délits pour pouvoir manger en tant que petit délinquant, je me suis retrouvé à 16 ans à Fresnes. Mineur, parce qu'ils savaient plus où me placer. 16 Fresnes, c'est une prison. C'est la prison. Ils savaient plus où me placer, moi. Je sais pas qu'ils savaient plus, mais je pense qu'ils ont voulu me donner une leçon. Parce que tu faisais plein de conneries? Ouais, parce que aussitôt que une porte était ouverte ou il y avait un mur à sauter pour quitter un orphelinat, je me barrais, quoi. Je rejoignais mon frère, ou je rejoignais des potes, et puis il était hors de question. Ouais, t'avais pas de base familiale et tout ça, quoi. Non, mais c'est ce qu'on allait chercher, en fin de compte. En réalité, j'essayais. Moi, je me barrais pour revoir mon père, je me barrais pour essayer de retrouver ma famille. Moi, je suis d'origine italienne, à la base. On était une grande famille. Jusqu'à l'âge de 8 ans, on était une grande famille. Et puis, tout d'un seul coup, tout a explosé. Ma mère s'est suicidée. La petite épicerie qu'on a eue est partie avec. On s'est retrouvé clochard dans la plaine de Montesson. On a vécu un an et demi comme ça. Et quand on a été récupéré, je me retrouve du jour au lendemain dans une cour de château avec 200 mômes et on a la main sur l'épaule. Ah, la DAS et tout ça, ouais. Ah ouais, c'était... Alors, attendez, il y a la pub qui arrive. On va parler après. Comment tu t'es retrouvé le braquage? Comment t'as fait les équipes? Comment tu te retrouvais dans un bar, dans un troquet avant? Comment ça se prépare? Comment ça s'échange? Apparemment, il y a des personnages d'équipe qui s'échangent. Il y a le bon tireur, il y a le bon braqueur, il y a le bon ci, il y a le bon ça. Comment ça se passe à Paris? Comment t'as infiltré la mafia? Je crois italienne, non, dans le sud-est. Italienne, la Camorra. La Camorra. Ah ouais, carrément. Oh là là. Oh merde. Je pense qu'il faut avoir une paire de couilles et des parpaings, quoi. On en parle en 30 secondes, après ça. Partez en vacances avec Luis Fonsi. Grâce à la phrase énergie. C'est trop bien. Hey, it's Luis Fonsi. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli énergie ou sur energie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. La radio de l'été, c'est énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir Luis Fonsi en concert à Madrid ou de partir à Porto Rico. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. Énergie présente le Festival de la Foire de Colmar, 70e édition avec M. Pokora, Claudio Capeo, MHD, Maître Games, Placebo et Vianney. Programmation complète et résa sur foire-colmar.com et énergie.fr. Le Festival de la Foire de Colmar, 70e édition du 27 juillet au 6 août. Un événement énergie. It's music only. Energy. I'm looking for a ring cause I got what I need. Four in the morning, I'll buy you a drink. morning, I took you back to my crib. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning, time for you to leave. I ain't looking for a ring, cause I got what I want and I got what I need. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Dans les plus grands trafics français, mais travaillant pour l'État, pouvant être dénoncé à tout moment sans être protégé par le gouvernement. Christian Lestavel est chez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Alors Christian Lestavel, ancien braqueur et tout, qui a été recruté par l'État dans les renseignements, il va nous raconter ses missions et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Il a sorti un livre qui s'appelle 2025. Voilà, le protocole de glace. Si vous voulez aller mater sur sur Amazon, allez chercher le bouquin dessus. Bon, merci d'être là, hein, Christian. Il y a pas de quoi. Et on a commencé un peu à raconter ta vie et tout. Tu sais que t'étais un enfant de la DAS, t'avais une enfance difficile, tu t'échappais des orphelinats parce que tu cherchais un peu ton frère, hein, c'est ça. C'est ça. Tout à fait, ouais. À retrouver ton frère, etc. Et petit à petit, t'es rentré un peu dans les conneries. T'as été mis en prison à 16 ans. Et là, maintenant, les premiers braquages de banque, c'est que des braquages de banque ou braquages d'autres choses, si vous avez fait ? On a commencé par des gares. Parce qu'en réalité, c'est difficile d'avoir l'audace de le faire. Je vais prendre un exemple, c'est comme faire sa première figue. Quand on est puceau, c'est difficile. Après les autres. C'est un préliminaire. Voilà, non mais. C'est exactement ça. C'est la première la moins agréable. Ouais, c'est vrai, parce que t'as toujours un peu plus peur. Et après, c'est vrai que quand on l'a fait une fois, on continue, il n'y a pas de problème. Surtout quand nous, on était tous de la DAS. On était tous des garçons qui s'étaient échappés de la DAS. Et donc, on était très solidaires. On se connaissait. Ah, c'était tous. Une bande de braqueurs de la DAS. Vous êtes rencontrés là-bas. Ouais, tout à fait. On s'est rencontrés dans les dortoirs. On était devenus frangins, quoi. Donc, on avait confiance à fond. Mais qu'est-ce que tu voulais dans les gares? Tu dis, on a braqué des gares. Eh ben parce que dans le temps, bien près du micro, s'il te plaît. Dans le temps, les recettes des gares partaient avec les trains à minuit. C'est pas comme aujourd'hui où c'est de la carte bleue. Dans le temps, c'était que du cash. C'était en quelle année, c'était du cash. C'était dans les années 70. Il y avait du cash. Ah, c'est à l'ancienne, ouais. Ouais. Donc. Mesrine, quoi. Époque de Mesrine, non? Ouais. C'est il était en prison à l'époque. Il y avait Bess, il y avait tout ça qui était. Je connais pas Bess, mais. Ouais, bon. Son collègue, non? C'est Mesrine. On dit Mesrine ou Mesrine? Non, pas du tout. On dit Mesrine ou Meryl? Moi je dis Mesrine, mais. Tu l'as déjà vu ou pas, toi, Mesrine, non? Pardon? Tu l'as déjà vu? Non, jamais. Jamais, ouais. Non. C'était jamais. Un peu la même époque? C'était la même époque. Ah, c'est vrai? On était en plein dedans, et puis. On a fait cette première gare et on s'est rendu compte que voilà, c'était facile. Après, le problème, c'est quand on a une arme, on croit qu'on est immortel. On croit qu'on tient tout le monde, mais c'est faux, c'est totalement faux. D'ailleurs, faut le dire. Hein, il faut pas le faire. C'est évidemment. Il faut pas le faire. Faut dire, c'est le miroir aux alouettes de croire qu'on peut avec une arme ou aller prendre de l'argent comme ça et s'en sortir facilement. Ouais. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui avec une arme, tu te fais shooter en disant. Ah, oui, franchement. C'est clair. Avant même les gardiens, je pense que même les livreurs des convois. Il y avait des convoyeurs de fond avant. Oui. On a fait une tentative de fourgon. Ah, c'est vrai? Vous avez raté? À Saint-Germain-en-Laye, oui. Pourquoi vous l'avez raté? Parce qu'il y avait une école à côté, ils sortaient de l'école. Au moment du passage. Ah, les enfants. Ouais. Ah, donc du coup, vous n'êtes pas allés? Si, on était dessus et ils nous identifient. On est repéré par les convoyeurs. Donc, la tentative est faite. À l'époque, elle est considérée comme étant faite, mais nous, on recule et on fait pas le. Parce que, et pourquoi? À cause des enfants, non? Oui, à cause des enfants, bien sûr. Ah, c'est ça, vous êtes dit, on va tirer dans le tas, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a automatiquement. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où c'était des cow-boys, les mecs. Hein. Les convoyeurs. Ouais, les tiraient, convoyeurs, quoi. C'était des cow-boys. Hein, donc, voilà. Donc... Bah, vous êtes dit, c'est pas la peine, il y a des enfants, machin. Puis tant mieux. Toi, t'étais armé? Oui. Tu es armé toujours? Non, je suis plus armé. Maintenant. Non, mais je sais pas. Ça aurait pu avec les temps qui courent. Sûr? Non. Parce que vu que t'as été infiltré après, t'as fait des. Alors, je vais répondre simplement là-dessus. Je suis contre les armes. À partir du moment où on sort une arme, c'est qu'on a perdu. C'est qu'on est, c'est un échec de sortir une arme. Moi, dans mon métier, en tout cas, après le métier que j'ai fait, c'est qu'il s'il avait fallu que je sorte une arme ou que je tire sur quelqu'un, ça aurait été pour moi un échec. Le but, quand je suis rentré dans le renseignement, après, c'est de durer dans le temps. Mais tu braquais pas avec une canne? J'ai eu des armes, je les ai braquées contre des gens. Et aujourd'hui, c'est peut-être le plus grand regret que j'ai. Ah ouais? Ouais, bien sûr, c'est totalement ridicule d'aller braquer des gens pour quelques briques qu'on va prendre dans un coffre. Surtout qu'en plus de ça, j'ai appris après aux assises qu'on le veuille ou non, nous, ça nous fait rien parce qu'on est pris dans un système de violence. La violence, ça vient pas comme ça d'un coup du jour au lendemain. Donc on s'est habitué à cette violence, mais la personne qui est au guichet, c'est un traumatisme. Ah oui, c'est sûr. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est totalement dingue pour quelques liasses de bifton d'aller traumatiser des gens ou c'est presque des fois socialement tuer la personne. Il y a des gens qui reprennent pas. Ils font des dépressions et tout. Ouais. Est-ce que t'as déjà rencontré lors d'un procès des gens que t'avais braqué et que t'avais détruit face à toi? Ils t'ont mis face à des gens. Moi, ce qui m'a tout fait comprendre, c'est que j'ai rencontré une vague de gens très humains, à la fois quand j'étais en détention et après quand je suis passé aux assises. Bien sûr que je les ai rencontrés, les gens que j'ai braqués. Ah, c'est vrai? Ah, ils sont là. J'ai eu 3 jours de procès d'assises, tout le monde passe. Toutes les personnes qui ont été braquées sont là. Et c'est des gens sympas, quoi. Ah, ouais, c'est ça. C'est des gens qu'on aimerait connaître. Ils t'en voulaient? Non, aucun. Ah, ouais? Aucun. C'est ça qui est terrible. Non, aucun. Et tu te sens encore plus coupable? Bien sûr. C'est tellement facile avec une arme de croire qu'on est le roi du monde et qu'on peut tout faire. C'est ce qu'on fait croire d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on encense, quand tu t'allumes la télé, tu regardes un film ou n'importe quoi, on encense les voyous, on encense les armes, on encense tout ça. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. C'est beaucoup plus meurtrier, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus sournois. Quand je suis rentré après, j'ai eu la chance de pouvoir infiltrer certains groupes criminels. Le crime. Il a 1000 facettes. Il a 1000 facettes, mais pour un seul objectif. Parce que là, c'est l'oseille. L'avilissement et le pouvoir. Attends, est-ce que t'as vraiment gagné de l'oseille à une époque? Non. Tu dis que t'as braqué. Je crois que t'as braqué, tu sais combien de banques ou pas dans ta vie? 7 banques. Est-ce que c'est 16 banques? Ah ouais, putain. Non, 7. 7, ah ouais. Ça reste beaucoup quand même. C'est pas mal déjà. 7 braquages. Ouais, mais c'était 7 fois plus que nous. Ouais. Bah non, c'est-à-dire que t'en as braqué une. Ah oui. Non, mais. c'était des petites banques de quartier, hein, c'était pas non plus. Et tu sais que t'étais armé, les armes, tu les trouvais où, par exemple, quand tu faisais des braquages? Les années 70, il y a Christian Estabel qui est un ancien braqueur et qui a été infiltré dans l'État après, il nous raconte des histoires. Moi, c'est ce que j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est que quand on fuyait de la LAS, notre coin de repère, et en tout cas pour se sentir protégé, aidé surtout, c'était Pigalle. Le repère des bandits. Maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, oui, il y avait toutes les petites frappes. C'était la nuit, avec toutes les boîtes à filles et tout. Et nous, on avait été pris à la bonne par un mec qui s'appelait Franck, en face d'un bordel à Pigalle. Les bandits à l'époque. Mais en fin de compte, c'est parce que on n'avait pas compris à l'époque, c'est qu'on allait faire des petits cambriolages. On se faisait quelques. Ah, c'est énorme. Quelques grossistes en alcool, des trucs comme ça, et puis nous achetaient ça 3 francs 6 sous. Ah, tu faisais des petits larcins aussi, genre. Ouais, mais des bon, petits, des petits, des... Non, mais au départ, avant qu'on ah oui, c'est ça, ouais, tu sais pas que des banques directes. Et puis un jour, c'est mon anniversaire et il m'offre un flingue. Ah ouais, c'est pas le cadeau. Si j'avais connu le musicien de la boîte, il m'aurait peut-être offert un violon ou une guitare. Ah, c'est ça. Je serais devenu musicien, là, il m'offre un flingue. Comme quoi, hein. Et puis on. Je le redis parce que c'est important, c'est que quand on a 17 ans, on se croit toujours immortel. Mais on l'apprendra avec le temps après qu'on l'ait pas. Tu t'es fait tirer dessus lors d'un braquage un peu raté? Ouais, pas que d'un braquage d'ailleurs, mais ouais, je me suis fait tirer dessus à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. C'est vrai? Et pas touché? Non, pas touché. Par contre, tout volait dans les vitrines en face de moi, ouais, c'est ça qui est impressionnant. Mais, Oh là là, putain! Ouais. Voilà. Vite gangster, vraiment! Pas touché et pas répondu. Ah, t'as jamais tiré? Non. Jamais tiré? Non, jamais sur les forces de l'ordre, jamais. Ah, parce que là, c'est... Sur qui alors? Non, personne. Okay. Bien joué. Ah oui. Parce qu'après, t'as fait des braquages. On va passer cette étape-là et tout. Ça t'est arrivé, t'en as fait 7. Tu t'es fait arrêter? J'ai sur arrêté. Le dernier, moi, sur le 7e? J'avais arrêté parce que c'était. C'était un CDI. Non. Moi, j'avais arrêté parce que j'ai eu ma première histoire d'amour à cette époque-là. Ouais. À l'amour. Hein. Non, mais moi, je sortais de la DAS et j'avais rencontré quelqu'un qui m'offrait une famille. C'est vrai que j'avais un peu d'argent de côté, tout ça, et j'avais décidé d'arrêter. Par contre, les gens qui étaient avec moi ont continué, et ça s'est mal passé pour eux. Ils ont fait un braquage à Pontoise où il y a eu une femme qui a été blessée. Et là, quand ils sont arrêtés, parce que bon. Ils ont été arrêtés pour ainsi dire tout de suite. Ils se sont mis à plat, quoi. Il faut se remettre aussi dans. Et après, ils t'ont arrêté, toi? Ah ben moi, ils m'ont sauté à Saint-Cloud à 6h du matin avec les premières interventions de Paul Baril. Ah, je ne sais pas qui c'est, Paul Baril. Mais... C'est le GIGN. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. C'est les premières interventions du GIGN. Ils sont venus à 6h chez toi? Ouais, ils m'ont tout pété. Ah, c'est vrai? Ouais, ils m'ont allongé par terre. T'étais considéré comme dangereux, vraiment, à l'époque? Bah oui, parce que dans tout l'imbroglio des petites bandes de braqueurs qu'il y avait, ça fonctionnait beaucoup, les braqueurs, à l'époque. Toutes ces petites bandes organisées dans la périphérie de Paris, il y a eu malheureusement des morts. Dont un postier à Saint-Germain-en-Laye et surtout des règlements de compte entre bandes. Et moi, j'étais accusé d'avoir buté un mec à Montesson dans un règlement de compte. Et c'était vrai ou pas? Non. De toute façon, tu le dirais pas. On l'a retrouvé. C'est-à-dire que c'est après que j'ai vu que des gens pouvaient être sympas et pouvaient vraiment se donner pour essayer de trouver une vérité. C'est que je pouvais pas, moi, le prouver. La personne avait disparu et généralement, si tu règles le compte de quelqu'un, on va t'enterrer dans un coin et c'est terminé. Ouais. Et quant au postier qui avait été tué, j'avais pas de possibilité de m'expliquer. J'avais une vie complètement dissolue. Je pouvais même pas dire ce que j'avais fait ces jours-là. Ouais. De toute façon, j'étais accusé pour meurtre. Ouais, et puis pour 7 braquages, on m'en mettait 20 sur le dos. Hein. Ah, et putain, ah ouais, ils peuvent mettre tous les braquages de la terre. Et t'as fait combien d'années de prison du coup là quand tu t'es fait arrêter? J'ai fait 8 ans. Ah ouais, putain. Ah, c'est long. 8 ans dans une prison de sécurité, tout ça, c'était quoi? J'ai fait 3 ans d'isolement. Oh là là, c'est énorme. 3 ans d'isolement et 7 ans d'instruction. Et t'es pas devenu fou parce que l'isolement, c'est vraiment isolé? Enfin, genre, quand ils disent isolement, c'est vraiment. T'as pas de promenade. C'est le monde, quoi. Alors maintenant, je sais pas. Moi, j'étais dans la période où la prison était dure. C'était, tu portais l'uniforme, le drogué, t'avais droit à la radio le soir. Et... Bah, vous allez bien. Ouais, mais t'avais pas beaucoup de choix de radio, hein, pas les bonnes. Hein. Ah, c'est vrai. Tout de suite, c'est pas les bonnes. Hein. Ah, tu choisissais pas les radios que tu voulais. Non, non, parce qu'elles sont dans le mur. T'as un haut-parleur dans le mur. Ah, oh putain. Et t'allumes au rond-point. Ah, c'est comme ça. Oh la vache. Maintenant c'est fini, ils ont tout, ils ont la télé, ils ont tout. Mais et isolement donc tu dis, c'est une pièce, c'est blanc. Bah, la prison, tu vois ton petit studio là-bas, ouais. C'est ça. Tu fais 12 mètres carrés, ouais, même bah, pas, c'est même ça. Pas. Bah, t'as 12 On est un petit studio. Hein. T'as 12 mètres carrés, la cour c'est la même, c'est une cellule sans toit qui est ouverte avec du grillage. Et t'es tout seul. Et t'es tout seul. Oh tu putain, tu marches tout seul. Mais tu parles à personne. Non mais j'ai pas besoin. Mais ça moi au bout d'un moment j'aurais pété un plomb. Bah, tu parles tout seul à un moment donné. Mais c'est attends mais genre tu t'es pas fait un ami imaginaire. Non, mais c'est possible, il y a des mecs qui se font des amis, ils se font une tête sur le mur. D'ailleurs, c'est le moyen de pas devenir fou quand t'es sur une île déserte, tu fais un truc, tu fais un imaginaire. Ça m'a jamais traumatisé la prison. C'est vrai ? C'est pas la prison moi qui m'a traumatisé. C'est que je me suis rendu compte que c'est la connerie que j'avais fait. Ouais, tu t'es rendu compte que c'était bête, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, après, la prison, il faut la faire, hein, quand je crois que tu déconnes dans la vie à un moment. Moi, je me suis mis à plat. Je suis parti du principe que je voulais régler l'addition. À la société. À la société. Par contre, je voulais pas endosser ce qui était. Ah, pas à toi, quoi. Posez vos questions, hein. Guillaume, et votre question aussi, 11-12, les gars. On se fait de la radio ensemble le soir, sur Énergie de 22h à minuit. Et quand j'ai la chance de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un à la télé, qui a une histoire incroyable, on l'invite dans l'émission, que ça soit un chanteur, que ça soit l'artiste, que ça soit Louane, Kenji. Là, ça change, hein. Et là, Christian Estavel. Hier, on a reçu Ludovic et Natou, des acteurs. Voilà, ça change tous les jours. Et là, c'est Christian Estavel qui est un ancien braqueur des années 70 qui est devenu après infiltré pour l'État. On va toute la partie espion après nous raconter l'émission. C'est-à-dire que c'est ça qui est exceptionnel. Ah ouais. J'ai entendu, tu racontais des histoires énormes. Et donc là, tu es enfermé pendant 3 ans. Pas une seule fille, j'imagine, en 8 ans. Je me suis marié en prison. Ah, c'est vrai ? Comment tu rencontres avec la femme qui m'avait fait arrêter. La fameuse. La personne que j'ai rencontrée qui m'avait fait arrêter de braquer. Toi, elle a jamais su que je braquais. Je partais au boulot tous les matins, moi. C'est pas vrai. Tous les matins, partais au boulot, je prenais mon attaché caisse, chemise cravate. Putain, c'est extraordinaire comme question. Ah ouais. J'ai toujours fonctionné comme ça. Attends, tu partais en costume cravate. Ouais, je rentrais le soir. Mais tu sais que tu faisais quoi? À l'époque, j'y avais dit que je bossais dans une boîte qui s'appelait Stéphanie Davray. C'était une boîte. Une boîte de rien à voir, quoi. Non, tu fais de la pub, des trucs comme ça, des castings, voilà. Ouais, d'accord. Mais si elle vient au bureau. Attends. Pardon. Si elle vient au bureau, votre femme. Non, bah. Ah ouais, c'est un cadeau. Quand tu finis en prison, tu peux plus dire que t'es. Ah bah non, bah c'est comme ça qu'elle a su. Ah non, mais là, elle a même su de très près, hein, parce qu'elle est venue, elle est montée avec moi dans le. Elle a été emmenée avec moi. Ah bah oui, le matin, le GIGN. Tout le monde a été emmené, mes frères, tout le monde. Stéphanie Davray, là, c'est la boîte. Putain, la vache. Mais tout le monde a été emmené, mes frères, tout le monde. Salut au Sacré-Cœur et à ma meuf, salut tout le monde. Truc de fou, l'histoire. Putain, c'est des vraies vies à l'ancienne de mecs durs, quoi. Et donc, jamais fait de mal à personne, juste donc t'as fait tes 8 ans de prison, tu sors des 8 ans, et là t'es repéré par l'État pour travailler pour les renseignements. Alors je vais expliquer pourquoi. L'IRG à l'époque. Ouais, en deux mots, c'est que le patron de la brigade criminelle de Versailles, de la PJ de Versailles, a eu une sorte de sympathie qui s'est créée et a vraiment approfondi. Avec toi ? Pour lui, ça paraissait inimaginable, tout ce que j'avais sur le dos. Donc il s'est mis à chercher vraiment. C'est lui qui a retrouvé le mec que j'avais buté, qui en fin de compte était au Portugal et puis allait se poser. Ah oui, il était pas mort du tout, Voilà, et tout doucement, il a démêlé tous mes dossiers et il m'a retiré les deux tiers des casques qu'on mettait sur le dos. C'était pas une tête de méchant ? Ben non. C'est vrai, hein. C'est ce qui fait mon charme. Ah, c'est vrai. Enfin, on sent quand même qu'il peut y avoir un truc. Hein. Bah après, on sent un peu que t'as vécu, quoi, toi. Non. On sent qu'il y en a un peu derrière et tout. Mais... Non. Mais t'as pas une tête de mauvais gars, quoi. T'as pas une aura de mauvais gars. J'en suis pas un mauvais. Eh bah oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et quand on se dit, on reçoit le profil du gars. Ouais, t'as peut-être des bad boys. Non, mais c'est ça, c'est vrai. T'as fait des trucs durs. Non. Et est-ce que t'as fait c'est quoi le truc dans ta carrière de, on va dire, de gangster et tout, les 70, braqueur de banque, et après infiltré, donc t'as infiltré des vrais réseaux mafieux costauds. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué, la violence qui t'a le plus marqué, pour montrer que c'est pas bien, et le truc qui t'a le plus choqué, toi? Je vais raconter une histoire pour les jeunes, là. Parce que c'est important. J'ai un ami qui bossait avec moi, qui était convaincu que j'étais un gros voyou, qui était un bon skipper, parce qu'on passait de la drogue entre le Maroc et la France, en bateau. Et un jour, il me dit, écoute, j'ai un petit jeune qui vend de la drogue dans la banlieue parisienne. Et, je peux dire son prénom, je l'ai adoré ce nom-là. Il s'appelait Smile, il avait 20 piges. Et moi, j'étais dans la mafia et je m'occupais des patrons de casinos en France. De certains patrons des casinos en France. Alors, c'est-à-dire quoi, tu t'occupais des patrons de casinos? Je m'occupais, j'étais proche d'un patron important et je m'occupais de tout. J'étais son porte-flingue, son garde du corps, le mec qui prenait ses papiers, qui l'emmenait au rendez-vous. Le mec en qui tu as totalement confiance, qui dort devant ta porte. Ah oui, tu mettais pas la pression à les patrons pour prendre de l'argent? Non. J'étais son homme de confiance. Mais c'est son homme de confiance, ça veut dire son homme de main? Non. Qui fait le sale boulot? Non. Quand tu dis le porte-flingue, en général, c'est dire, tiens, là-bas, il m'emmerde. Non. Alors là, je vais te répondre à ça. C'est que j'étais dans un métier où faut surtout pas que tu t'enfermes dans un système, parce que si on te catalogue porte-flingue, tu peux plus grimper dans un système. Moi, le but, c'était d'arriver au juridique, d'arriver au blanchiment de pognon, d'arriver au transfert de crime. Ah ouais, les mots. Donc, je pouvais pas être un porte-flingue. Et mon souci, c'était de m'approcher des hommes de loi, des avocats. Donc, je suis rentré à travers en protégeant un avocat au départ. Putain, c'est marrant, putain. Et après. Attends, pour le smile, là, le petit. Ouais, le ouais, mec, pour finir, le truc qui t'a le plus choqué. Gamin. Moi, je veux le truc qui t'a le plus choqué. Ouais. Il y a lui en particulier, parce que j'adorais ce monde-là. Je l'ai sorti de la banlieue parisienne parce qu'il vendait 4 barrettes de shit. Et j'avais réussi à le mettre comme chauffeur d'un PDG de casino. C'était Jaguar ou Rolls. Et puis Smalto sur le dos. Et puis, un beau costard, Marc Smalto. Ouais, le môme qui se prenait 2 plaques par mois et qui était heureux. Mais c'est un petit voyou dans sa tronche. Ce qui se passe dans les cités aujourd'hui dans le terrorisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement manipulés, on leur a tellement fait croire qu'en devenant des durs, des voyous, ou ils allaient réussir, c'est que tu ne peux plus les empêcher. Et j'arrêtais pas de lui dire. Une fois, j'ai été le chercher à 7, dans une boîte de nuit où il s'était pris 2 coups de couteau. Il avait encore le couteau planté. Et je lui dis, mais arrête de déconner. Bon, on va te faire les pansements et tout, mais arrête, parce que tu vas te faire tuer. Et un jour, il prend quelques jours, et là, il m'avait vu, moi je partais en Afrique à l'époque. Ouais. Et avant de partir, il vient me voir et il me dit, « Ah, Christian, je vais passer quelques jours sur la Côte d'Azur, je vais me marier, aussitôt que tu reviens, je me marie, et tu vas être mon témoin et tout. » Ok, il n'y a aucun problème. Il a été à Nice, passé quelques jours. Il a fait un casse pour des Italiens qui lui ont commandé le casse. Quand il a livré le poignon, c'était des bons porteurs. Quand il a livré les bons, ils l'ont descendu dans une cave de garage, ils lui ont mis 2 balles en pleine tête. Ah ouais, oh putain. Voilà, il n'y a pas de cadeau dans la vie. Ah ouais. Il n'y a pas de cadeau. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque. Ah, c'est les films, hein, c'est les films. Ah ouais, c'est... Et à l'époque, moi, je revenais d'Afrique et j'étais sur une autre radio et j'avais dit aux mecs qui ont fait ça. Bon, maintenant, ils ont été arrêtés, condamnés. Mais je leur avais dit à l'époque, si vous avez les couilles, passez-moi un coup de téléphone et on reprend la partie ensemble. Ah oui. Jamais appelé, hein. Ah c'est vrai? Ouais, ils m'ont jamais appelé. Ah t'as dit aux mecs qu'ils les ont tués? Ouais. Ah tu leur as mis un coup de pression, quoi. Ouais, je leur appelais pas ce soir. Non, pas ce soir. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le miroir aux alouettes. Attends, il y a des questions qui arrivent. J'ai posé des questions rapides, hein, qui arrivent par SMS. Déjà, je suis de Saint-Germain, je connais le RER, c'est là que tu as voulu le braquer. Moi, je suis au collège là-bas, il y en a qui disent je suis à l'école de Saint-Germain aussi. Salut à tout le monde. A-t-il connu un membre des gangs des Lyonnais? À l'époque, il y avait des gros membres. Juste oui ou non, rapide. Non, mais c'était la même période. 8 ans de prison, c'est trop long. Moi, 30 minutes coincé à l'ascenseur, je tourne de l'œil. Salut, John. Faut faire un choix, alors fais bien attention à ce que tu vas faire dans la vie. Pourquoi les braqueurs ne s'arrêtent-ils pas au premier braquage, comme toi, Marco, qui lui pose la question? Et est-ce que tu t'arrêtes à la première fille, toi? Qu'après, t'as envie de. T'as envie de plus. Tu gagnais combien quand tu as fait des braquages comme ça? C'est à surtout pas faire et c'est surtout pas bien. Il a écrit un livre justement pour dire que c'est une connerie. Ouais, c'est sans intérêt. Ben, en argent, on gagnait rien parce qu'on était 7 ou 8, on se partageait tout, on flambait tout. Ouais. Voilà, et on était en train de. C'est simple, hein, quand on te met dans un système qui est plus ou moins concentrationnaire, à l'époque, c'était la DAS, c'était ça. Hein. Maintenant, ça a changé, hein. je vous dirais que du bien de la DAS. Ouais, bien sûr. Mais à l'époque, c'était dur. Ouais, c'était des gros dortoirs et tout. Il y a encore des gros dortoirs. Ouais, d'ailleurs, on vous embrasse si vous écoutez de la DAS. Exactement. Et on se partageait l'oseille entre nous. Ouais, donc au final, t'avais pas. Et après, t'avais besoin d'oseille 15 jours plus tard et de se retourner. On attendait d'être à sec. Hein. Alors, t'as été infiltré, et avant de terminer sur ton histoire, des missions qui t'ont fait faire l'État, etc., qui sont quand même extraordinaires, je voudrais parler des histoires d'infiltrés. Je vais vous donner 6 histoires chez vous. Des histoires d'infiltrés, il y en a 3 qui sont vraies, 3 qui sont fausses. Ok. Et vous allez jouer pour deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous assure que c'est pas facile du tout. Flo Décalo, tu joueras pas. Okay. Parce que c'est lui qui a imprimé les feuilles, il a vu les vrais et les faux. On est d'accord, non? J'ai pas tout lu, mais... Okay. Voilà. Bon, si jamais tu sais, tu joues pas. Attention, on est parti. Première histoire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un membre des services de sécurité de McDonald's aux USA, il avait la double nationalité avec la Belgique, il était chargé par sa hiérarchie d'espionner industriellement le groupe Quick, qui avait pour but de s'infiltrer et de s'implanter aux États-Unis. Il a réussi à être membre du conseil d'administration de Quick au bout de 7 ans. Il s'est fait griller car il a refusé une proposition financière pour diriger Quick USA, etc. Et il y a eu un truc qui s'est fait sauter au dernier moment, etc. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un mec de McDo qui a infiltré Quick en Belgique, à l'époque groupe belge, pour les empêcher d'arriver des espions financiers? Ça existe, hein, y a beaucoup d'infiltrés financiers. Est-ce que d'après vous c'est vrai ou faut s'abriner à la nouvelle? Je sais pas trop, déjà je pensais que Quick il y en avait que en France. Je pensais que c'était vraiment que français. C'est belge. Je savais pas. Mais oui, après de l'espionnage industriel et tout, je pense que c'est vrai. Enfin, ça m'étonnerait pas du tout. Il y a plein, un milliard d'histoires, Aude. Ouais. Moi je dirais que c'est vrai, ouais. C'est vrai, Christian Estavel? C'est vrai. C'est vrai, je sais. Non, c'est faux, c'est trop gros. Quick, McDo, ça va. Faut des cadeaux? Bah non, justement, c'est des proches concurrents. Moi je dirais que c'est faux, je vois pas Quick aux USA. Bah c'est faux. Attention, on enchaîne avec un deuxième. C'est énorme. Lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, toutes les personnes qui s'étaient assises dans une même tribune étaient reparties avec un micro caché dans leur veste par une personne qui travaillait dans les vestiaires des loges VIP. Et en fait, c'était fait par les Américains pour essayer de prévoir les prochaines manœuvres russes, parce qu'il y a des diplomates russes à l'intérieur. Ils ont mis des micros dans beaucoup de vestes, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Christian Estavel, ancien braqueur et infiltré. Allez, le hasard, vrai. Vrai? Ouais, je dirais vrai, les Russes, ils sont capables de ça, ouais. Sabrina? Ouais, pareil, vrai aussi. Aude, je dirais vrai aussi. Vrai, Flo et Cadeau? Moi, je dirais vrai, il y avait eu des couilles à Munich. Eh ben, tout le monde a dit vrai et c'est faux. Attention, attends. Bien joué, énorme. Lors d'une visite de Mao en Russie, donc c'était l'ancien chef chinois, une cellule du KGB était chargée d'analyser le caca de Mao pour le se caca. Renseigner sur sa physiologie. Les selles. Exactement, ouais, la merde. Car une carence en telle ou telle substance rendrait une personne plus ou moins apte au dialogue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, la crotte de Mao étudiée par les Russes en cas de dialogue, etc. Flo des cadeaux, tu penses quoi? Mais comment tu récupères sa merde s'il a tiré la chef? Tu mets des filtres sous les hôtels, tu sais, je pense qu'il y a toujours moyen. Il faut faire le tri. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est vrai. C'est vrai, Sabrina, Noël? Je veux dire que c'est faux. Ouais, au-delà de la stagiaire. Moi, j'ai déjà entendu cette histoire et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi, Christian Estavel, tu dis que c'est vrai? Parce que ça peut être des méthodes. Alors, pas pour le caca, mais ça peut être des méthodes qu'on emploie quand on piège les gens dans les hôtels. Eh ben, c'est vrai. C'est-à-dire quoi? Attends, on va savoir. Bien près du micro. C'est quoi quand tu dis des trucs pour les piéger les gens? Nous, par exemple, quand dans le livre que j'écris... Approche-toi du micro. Dans le livre que j'écris, Complot à Paris, quand on prépare tout, quand quelqu'un va arriver, qu'on veut absolument cette personne... Où on loue, là, pour cette fois-là, on avait loué un château complet. Et donc, une semaine avant, tout avait été sonorisé et tout avait été fait dans les pièces en dessous, les pièces au-dessus. Avec et dans les hôtels. Français. Et dans les hôtels, on fait la même chose. Et si c'est nécessaire de récupérer n'importe quoi, on mettra en place du matériel pour le récupérer. Ouais, des grilles, par exemple, dans les chiottes, dans les caca. Tu vas le prendre, genre. Ça, c'est l'État français quand tu travaillais comme infiltré. C'était les services de l'État qui te finançaient pour louer un château, etc., à te préparer, quoi. Alors ça, c'est après quand j'ai travaillé en Afrique. Attends, tu vas nous raconter. On va se mettre une musique et on va finir par l'Afrique, là. Est-ce que t'as vécu? Attends, juste un petit dernier. Deux enfants de 16 et 21 ans l'année dernière, nés au Canada, ont appris que leurs parents qui vivaient avec eux étaient en fait des espions russes lors d'une perquisition par le FBI et que le nom de leurs parents et de leur famille, en fait, c'était une famille qui avait été tuée de Canadiens. Ils avaient pris leur nom et leur, comment ça s'appelle, leur identité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Christian Estavel, d'après toi? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. C'est vicieux, ça peut être vrai. Ouais, Sabrina. Ouais, pareil, je pense que c'est vrai. Oh, de nouvelle stagiaire. C'est un scénario de film. Eh ben, c'est vrai. C'est dingue. Tu te rends compte que tes parents, en fait, c'est des espions. Tout ce que t'as appris sur ta vie, c'est faux. Depuis que t'es né. C'est des espions qui sont infiltrés pendant 20 ou 30 ans. Non, toute leur vie. C'est ça, c'est dingue. Toute leur vie et ils peuvent être dormants toute leur vie. Ouais, et parfois ils sont jamais réveillés. Ils sont. Genre nous, on leur demande rien, ils font leur vie. Ils sont financés, ils ont un salaire. Ah ouais. C'est bien, t'es payé à rien foutre. Ah ouais. En général, c'est quand même des bons gars. Donc nous on peut pas, alors. Et en fait ils ont fait des gosses, mais c'est dingue de pas le dire à leurs enfants. C'est-à-dire que tu mens à tes enfants. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils s'appellent Durand ou t'as, je sais pas, un nom canadien, Bellefeuille. Non, Dion. Ça c'est un prénom. Dion. Garou. Et en fait, tu peux être, voilà, être fils d'espion sans le savoir toute ta vie. Quoi. Quand tu travailles au FSB en Russie, toute ta famille est au FSB. Hein. C'est quoi FSB ? C'est les services secrets russes. Ah bon ? Bah ouais, toute ta comme famille. Comme le KGB ? Oui, bah c'est le nouveau. C'est le nouveau nom. Ouais, c'est le nouveau nom. C'est ah, ça a changé. C'était le KGB avant. Donc, quand on prend quelqu'un, toute sa vie, même son mariage, on lui impose la personne et tout. C'est pas vrai. Même le curé du mariage, il est au KGB. Mais je crois qu'il fait partie du KGB. C'était l'ancien patron du KGB, Poutine, non ? Oui. Il paraît qu'il était pilote d'avion aussi, Poutine, ouais. De chasse. Ouais. Il pilote encore, d'ailleurs. Ouais. Quand il vient en France, c'est lui qui pilote l'avion. Il n'est pas arrivé là par hasard. Lui, ça doit être un vrai dur. Hein. Je pense que ça doit être. T'as déjà infiltré des milieux russes ? Tu disais que t'avais infiltré, après pour l'État, des grands banditismes et tout, du russe ? Non. Moi, je suis. Il a réfléchi. Pas très clair. On va pas tout dire. J'ai arrêté. Tu veux me dire que tu veux pas répondre ? Moi, ça me pose pas de problème. Mais... La Russie, la mafia russe, elle a commencé à prospérer après la chute du mur de Berlin. Ouais. Voilà, moi c'était les années où je finissais avec la direction centrale. Donc et la mafia, on commençait à avoir des contacts, ouais. Surtout dans les casinos, hein, parce que. Ouais, putain, avec les Russes et tout là. Ouais, bien sûr. Attends, alors juste pour finir un dernier. Un espion russe a été retourné contre son pays. C'est par la France. Hein. C'était un haut gradé. Il l'a fait passer à l'Ouest. En fait, tous les renseignements que les Russes ont obtenus depuis de nombreuses années. Et la France s'est aperçue que tous les messages échangés entre l'ambassade de France et Moscou et le Quai d'Orsay étaient systématiquement cryptés, etc. Et comment ils l'ont en fait payé pour qu'il passe l'État français. Ils l'ont payé en bouteilles de champagne. Mais non. En bouteilles de vin très haut de gamme et en petits cadeaux pour sa maîtresse. Et en fait, ça a permis d'expulser 150 agents russes infiltrés, de retrouver, etc. à cause du mec qui voulait juste faire plaisir à une meuf, quoi. Non, c'est dingue. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est fini par une histoire vraie. Et même Mitterrand, il a donné 150 noms à Donald Reagan et tout, qui en avait aux États-Unis, machin. Ça a permis de vraiment faire un pacte avec les États-Unis. Ah, ça a balancé. Pour du champagne. Devenir, c'est dingue. Hein. Contre quelques bouteilles et du champagne pour une. Même des bonnes bouteilles. Pour une maîtresse. C'était un espion moyen. Ah si, il était très haut gradé justement d'espionnage puisqu'il a fait les 150 noms quand même. Oui, mais bon, pour du champagne. Ah là, bon. C'est clair, il s'est fait un peu acheter vite fait quoi. Allez, vous bougez pas, on termine. Il va nous raconter justement où il a été envoyé en Afrique et 2-3 missions avant de terminer avec Shakira, Mi et Amorame. Bonne nuit les gars, c'est Guillaume Radio 2.0, on est en direct sur Énergie de 22h à minuit. On passe les soirées, bon courage pour le bac et pour les devoirs si vous êtes au boulot. Bon courage à tout le monde, on est en direct jusqu'à minuit là. El doctor recomendando, creí que estaba soñando. Oh, oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando. Qué bien. Nadie. ojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Il a infiltré les pires milieux. Terrorisme, grand banditisme. Et ce soir, il est chez Guillaume Radio 2.0. Christian Lestavelle est sur Énergie de 22h à minuit. Ok. Il y en a qui dit c'est vraiment très très intéressant, j'adore. Salut Chris du 6-5 là. Salut mec. Christian Lestavelle qui était braqueur, qui a été repéré par l'État et ensuite utilisé comme agent infiltré et tout. Est-ce qu'il a déjà. Eh les gars, s'est-il déjà fait prendre le cul en prison? Vous avez pas les questions intéressantes. Salut Quentin. Ça, c'est une question bon esprit, bon enfant. Mais c'est à celui-là, ça lui aurait fait plaisir. Non mais c'est, en plus c'est pas que un mythe hein. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des mecs de prison qui nous appelaient. Et c'est pas que un mythe. Sur la savonnette c'est, bah bien sûr. Et d'ailleurs il disait n'allez jamais. Il regrettait beaucoup. Et il disait c'est pas une blague quoi. Parce que si t'es frêle et que t'arrives en prison, tu te fais démonter la gueule aussi et démonter dans les douches. Quoi. Ah, c'est, pas, non, c'est vrai, on est d'accord. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Hein. Bah, bien sûr. Donc si t'es frêle, tu es stagiaire lui. Moi je suis pas frêle déjà, ouais. Non, ça va. Il veut aller en prison. Trop intéressant cette fin de. Alors attends, juste, salut Loïc le Breton. Je pense que son bouquin va finir chez moi. Il faut le réinviter. Il est énorme. Trop intéressant cette fin d'émission. Ah, c'est gentil. Plein qui aiment bien l'histoire et tout. C'est vrai que c'était intéressant. T'es braqueur. Et juste pour terminer, alors ton histoire, t'as été infiltré. Donc embauché comme agent secret en gros pour l'État français et ils te font faire des missions intéressantes etc. Est-ce que là t'as dû à un moment donné abattre des gens ou faire des missions vraiment un peu dures? Non, pas abattre des gens. Non mais c'est pas des missions dures. Oui, oui bien sûr. C'est quoi une mission dure? La mission la plus dure?